You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Alors bonsoir, mesdames et messieurs. Bon centième épisode de Horror Gamer Show. Ouais! Et c'est Sébastien Bouchard au micro, et oui, c'est le gros party ici parce qu'on est en train d'enregistrer le 100e épisode d'Horreur Gamer. Wow! 100 épisodes, c'est malade! Et bien évidemment, il fallait avoir toute la team pour célébrer ça, fait que j'ai avec moi tout d'abord, je vais y aller en ordre de ceux qui sont apparus pendant ces 100 épisodes-là. Donc je vais commencer avec Jean-François Tremblay. Salut JF! Ah ouais, je t'appelle comment, Steven? Je me rappelais pas. Hein? Ben oui. Ok, c'est bon. Ben bon, salut. Ça y est. Faut au moins tout de suite au début. Scrape mon concept. Ouais, c'est ça. Ça va, toi? Yes, toi? Bon centième. Bon centième. Ben là, après ça, Oui? T'as peu. Je m'aurais pu le faire après, mais c'est pas grave. C'est parce que ça, j'ai quelqu'un au bout du ligne. J'ai une exclusivité pour nous autres, pour le centième. On sait que Sébastien attend bientôt un deuxième enfant. Ben, j'ai les docteurs en ce moment au bout de la ligne avec sa blonde en salle d'accouchement. Fait qu'on y va dessus, je mets sur le haut-parleur. Puis, c'est une équipe française. Nous n'aurons peut-être même pas à intervenir. Oh, ça va passer tout seul, ne vous inquiétez pas. Faut respirer, là. Faut respirer. Non! Ce sera bientôt fini. Bon, on what est là. On respire. Une petite aspiration. Ouais, vas-y, blanc de Sébastien, respire. Okay. Petite aspiration. Ouais. Attendez, un instant, il y a encore autre chose. Encore? Oui. Et ça a l'air gros. Ça a l'air gros? Il faut que vous nous aidiez. Allez, poussez. Non. Poussez. Allons, poussez. Poussez. Oh. C'est ça, encore. Poussez, faites marcher le muscle. Attendez. Allez, poussez encore, allez, poussez. C'est ça, encore. Non, attendez. Non. Tu vas y arriver. Oh, attendez. Oh, non. Ouais, non. C'est The Fly 2, hein. Oui, hein. Fly 1, Fly 2, mais c'est Fly 2. Fly 2, toi. Oh. Hey, merci Jeff de m'avoir enlevé l'envie d'avoir un autre enfant. Hey. Je suis désolé, je pensais que ce serait plus festif que ça pour le centième, un petit bébé. Ouais. Oh, parce qu'on avait plutôt des faces de what the fuck. Oh, fait que c'était ça ta joke de mauvais goût, Jeff? Non, Steven, t'avais raison. JF et le René Simard. T'es joke de mauvais goût. c'est ça, justement. Steven, c'est à toi après, qui est apparu dans tout ce délire d'Horror Gamer. Ben, salut Sébastien. Ça va? Ça va très bien. Tu as dit 100 épisodes. Écoute, c'est un événement vraiment agréable ce soir. Ouais, et la petite dernière, mais rendu là, on n'appelle plus la petite dernière parce que, bon, attends, ça fait un sacré bout. Vicky qui est avec nous. Salut, Vicky. Hey, la touche masculine du groupe. Hey, God. C'est elle qui est couille dans la place. En tout cas, c'est elle qui a le taux d'alcoolémie dans la place. Oh, ça, c'est sûr et certain. Tu nous as-tu présenté ce soir dans l'ordre qu'on est rentré dans l'équipe ou dans l'épisode de ce soir? Ben, c'est la même affaire, c'est ça qui est drôle. Hein? Non, parce que Vicky t'est arrivé en deuxième après moi, puis c'est en troisième. Okay. Ben, moi aussi, vous êtes dans le même ordre de Steven, de JF Steven. Ok, dans l'ordre qu'on apparaît à l'écran, là. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Non, mais moi, vous êtes tous mélangés. Là. Okay. La monde sur le stream le voit bien. Là. Mais. Puis ça, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, logiquement, ça devrait même pas être moi qui présente tout ce monde-là, parce que ça devrait être Pierre. Parce que, ça, il y en a beaucoup qui le savent pas, là, mais il n'y a personne de l'équipe originale d'Horreur Gamer parmi nous ici ce soir, là, tu sais. On s'entend qu'on avait, il y avait Pierre, puis il y avait Steph Terreur, il y avait aussi Kevin Ouellet, puis René, que j'oublie son nom de famille, malheureusement. Et moi aussi, j'ai oublié. Oui, je suis pas bon dans les noms de famille. Pas bon signe, ça. Non. Ben, Steph, une chance que c'est Steph Terreur parce que je me souviens pas de son nom de famille non plus. Eh oui, parce que c'était Steph Terreur et Pierre au début. Je pense que je suis apparu genre au 14e épisode, une affaire de même. Même peut-être plus loin. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais fondé un seul podcast. J'ai toujours pris celui-là des autres. J'ai fait ça avec Horror Game, avec Fun Joue Joue aussi. C'est tout de voleur. Mais non, c'est ça. J'ai essayé d'avoir Pierre pour nous, avec nous ce soir, mais non, c'était pas possible. Donc, c'est ça. Mais on va le remercier quand même beaucoup parce que sans lui, puis sans son désir de faire ce podcast-là, ben, on serait pas là ce soir pour remercier, pour faire ça. Hey, regarde, je suis déjà tanné, on finit ça. pour fêter ce centième épisode. Hey, écoute, j'ai essayé de faire des siestes le plus possible aujourd'hui là, pour être en forme. Sérieux, le rhume est épouvantable. Mais bon. Donc, c'est ça. Sans eux, on serait pas là pour le centième épisode. Et là, oui, c'est ça, Véronique a dit. C'est ça, c'était dans le temps où il y avait des jeux vidéo dans Horror Gamer. Oui, c'est ça, le pire, c'est que au début, Pierre parlait beaucoup de jeux vidéo d'horreur. Il y avait toute une section jeux vidéo d'horreur dans chaque épisode. Et bon. Même si on est des gamers, moi beaucoup, Steven aussi, pas assez pour faire des discussions de films d'horreur, de jeux d'horreur, c'est ça? Ou en tout cas, on n'est peut-être pas assez up-to-date pour dire qu'on peut en jaser, là, tu sais. Ben, moi, j'ai la réputation de pas finir mes jeux comme les séries, fait que ça irait mal de faire une critique. Puis moi, ben, moi, je suis un late adopter, comme on pourrait dire. Dans le fond, j'achète toujours les consoles 2 ans après leur sortie. Fait que, puis les jeux, j'attends tout le temps qu'ils tombent en spécial. Fait que tout le monde en a entendu parler quand c'est le temps que je le joue. Fait que, même si je décidais de faire une critique, le monde ferait comme moi et Sébastien, on le sait déjà. Marc-Antoine dit, j'ai commencé à écouter le show au premier épisode de Sébastien. Jamais entendu parler de gaming. J'ai disparu quand je suis arrivé. Boum! Mais ça va peut-être changer, tout ça, ce jasage de gaming-là, parce que, Jeff, j'aimerais ça que tu nous parles d'un projet qui s'en vient avec Horror Gamer. Oui, ben petite parenthèse, d'abord, si vous entendez le son derrière moi, c'est mon chauffage, fait que vous allez l'entendre de temps en temps, sinon je ferme mon micro quand je parle pas. Petit détail technique, mais c'est ça, on va avoir sur le site bientôt des nouveaux collaborateurs, et des collaborateurs qui vont former une équipe de rédaction. Donc, on va avoir des textes sur le site d'horreurgamer.ca. Ouais, chose qu'on veut faire depuis longtemps, mais que ça a toujours foiré. Ouais, on avait fait nos petites critiques depuis l'année passée, mais on est plus ou moins assidu là-dessus. Fait que là, même Pierre à l'époque voulait l'en faire. Il avait proposé aux fans du podcast d'écrire des textes. Puis je pense qu'il y avait une personne qui avait proposé un texte. Ouais. Mais je pense que c'était moi. Ça se peut. Fait que c'est ça. Fait qu'on a déjà recruté 3 personnes. Que je peux nommer les noms, je pense, ce soir. Ben oui, vas-y. Okay. En plus, de ces personnes-là qui est là, live, en train de nous écouter. Ouais, ben c'est ça. On a Guillaume Couture qui nous a fourni plein de textes depuis les 2 dernières années, durant les 31 jours, en 2016 puis 2017, pour des qui nous présentait des chansons, une chanson par jour, une chanson reliée à l'horreur, puis il faisait des beaux textes pour ça. Puis c'était vraiment très détaillé, très passionné, puis tout. On sentait vraiment sa passion pour ça. Fait que on s'est dit que ça serait une bonne personne, je pense, pour se joindre à notre équipe. On a aussi... Oui. Puis garde, juste pour dire, Guillaume est un grand gamer... Il y a son podcast, entre autres, pas son podcast, pardon, il y a sa web série Je joue le jeu et le jeu C'est nous qu'on joue, pardon, c'est nous qu'on joue, c'est comme bizarre comme titre, fait que des fois c'est bizarre à dire, mais c'est nous qu'on joue, ce qui fait des let's play avec un de ses amis. Et Guillaume a un bel humour là-dedans, là. Allez jeter un œil. Je joue le jeu et c'est nous qu'on joue, c'est vraiment le fun. Je joue le jeu, ouais. Ouais, c'est ça, je peux pas vraiment parler de la spécialité de chacun, mais dans l'équipe, on va avoir aussi Stéphane Carpentier, qui est un de nos vieux chums à moi et Sébastien. On le connaît à l'université il y a 10-12 ans et plus, même plus encore. Puis c'est un passionné de films d'horreur. Je sais qu'il est un gamer aussi, fait qu'il va nous faire des textes là-dessus. Oui, puis il réalise des courts-métrages aussi. Oui, en plus, ben, c'est ça, il a travaillé dans le cinéma, il réalise, il fait du montage, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est un gars qui est très impliqué dans le milieu, tu sais. Puis on a aussi... juste pour me tromper sur son nom de famille, Maureen Jouglin, c'est elle qu'on connaît, la petite fille qui arrive de l'extérieur un peu, on la connaît pas vraiment, mais elle s'est joint à l'équipe, puis on va profiter de ses textes, c'est une passionnée d'horreur aussi, c'est une fille qui a travaillé pour Toronto, voyons, le After Dark, ouais. Je cherche le titre exact, le nom exact du festival, mais le Toronto After Dark, je pense. C'est ouais. Ça. Puis qui est une grosse passionnée d'horreur aussi, qui participe à toutes sortes de trucs, qui visite toutes sortes d'événements d'horreur. Fait que ça va nous faire des fois des comptes rendus et des critiques de films. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, c'est notre équipe pour l'instant. Puis peut-être on verra comment ça va aller avec ça. Si, et si parmi nos fans, nos auditeurs, il y en a qui se disent ben moi aussi, j'aimerais ça m'ajouter à l'équipe si vous avez quelque chose à nous proposer, gênez-vous surtout pas. On est pour l'instant, on est vraiment ouvert à tous. C'est sûr que si vous nous faites quatre fautes aux trois mots, ça risque de pas fonctionner. Et il y a quelque chose que, tu sais, là, Guillaume va être beaucoup, peut-être avec les jeux, puis en tout cas, tu sais, il va y avoir beaucoup de critiques. Mais il y a une chose que j'aimerais qu'on aille sur le site, et ça, c'est un rêve que j'aimerais, des textes d'opinion sur l'horreur, le cinéma, tu sais, sur des réalisateurs. Tu sais, on a souvent, tu sais, si on cherche des critiques, on est capable d'en trouver des critiques, mais tu sais, des fois, quelqu'un qui a un texte d'opinion, je sais pas moi, sur exemple, tout le phénomène de réalisateur de Jeepers Creepers, quelqu'un qui aurait le goût d'écrire un texte d'opinion là-dessus, tu sais, c'est souvent des textes qui vont faire réfléchir les gens, puis c'est vraiment intéressant, c'est des textes qui se démarquent, tu sais, dans tout le lot de textes qu'on peut voir passer dans une journée sur notre feed Facebook, là. Le problème avec la surconsommation et l'achat compulsif de films? Je me demande bien qui c'est qui pourrait nous en jaser. Parce que parler du problème, il n'y a personne qui va ici qui va te dire que c'est un problème. Fait que... Ouais, mais la différence, c'est que je l'assume. Je l'aime, mon problème. Je veux le garder. Ben, parle-nous-en. Ah, tu sais bien qu'on taquine Steven, mais... mais non, c'est ça. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on ajoute à Horror Gamer. Parce que vraiment, on a dans le show, on n'a pas peur d'avoir ces discussions-là, fait que ça serait le fun de les avoir aussi sur le site. Véronique a dit, je vais vous envoyer une critique de Ligne interdite. Ah boy, cette fameux film, Véronique qui avait été là, c'est-tu le troisième ou quatrième épisode des 31 jours d'horreur, je me souviens plus. En tout cas, qui avait été en direct de ton resto, Vicky, qui est allé faire un petit tour. Et ben c'est ça, ce soir, on n'a pas écouté de film. Ben, en tout cas, on a écouté des films, mais c'est pas de ça qu'on va jaser. On n'est pas fous, on vous a posé des questions. Ben, une question, on vous a demandé, trouvez-nous des questions que vous avez toujours voulu nous poser. Et c'est ce soir que ça va se passer. Donc, à ce soir, on fait un Q&A d'Horreur Gamer. Ceux qui sont sur le chat, vous pouvez alimenter les questions, en poser d'autres si vous avez des choses qui vous popent en tête. Yannick qui dit, sans faire de critique, nommer les sorties de jeux et de films, ça serait cool. C'est sûr, quelqu'un qui serait prêt à faire juste des petites pauses de qu'est-ce qui s'en vient, c'est toujours le fun. Mais, merci, Saku, parce que moi aussi, j'avais de la misère à rester concentré avec la face de GF. La face de GF. Ceux qui nous écoutent en audio seulement, c'est que la caméra de GF a vraiment de la misère. Et après 15 secondes, elle freeze. Sauf que des fois, GF est en train de faire une face qui se peut pas. Genre, là, il est en train de rire, ça pourrait freezer là, il aurait de l'air juste d'un grand niaiseux. Fait que. C'est gentil, ça. C'est tout le temps comme une roulette ruscarde, comme là, il y a de l'air d'un beau niaiseux. Ah, on dirait une photo de camp de vacances. Mon nom de moniteur, quand j'étais un moniteur de camp de vacances, c'était Écureuil. Appelez-moi ben, Écureuil. Ben écoute, oui, oh c'est mon God, Dieu. Oui. C'est tellement kitsch. Oh, wow. Ah, là, il nous a mis une belle photo de René Simard. Mais tout ça pour dire, écoute, ça va être un épisode déjanté. Il n'y a pas de règle ce soir. Mais il y a une règle au petit jeu de questions que Vicky nous a fait. Dans le fond, c'est que on va piger au hasard les questions. On va pouvoir avoir le... c'est comme un... C'était quoi le jeu questionnaire? Parce que c'était pas l'autre qui animait. Là, c'était Ultimatum. Je sais pas. J'avais jamais vu Ultimatum. Hey, moi, je m'en souviens. Je pense que c'est le seul qui l'écoutait. Oui, oui, mais moi, écoute, j'adorais Ultimatum. C'était du gros kitsch. C'est vraiment solide. Mais dans le fond, on va piger une question avec une personne au hasard. Et une personne qui va piger une question. Et là, Vicky, tu me corriges, cette personne-là va choisir qui répond, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait le fun. Oui. Et l'autre personne a 3 frimes pendant la soirée. Soit elle peut dire, je veux changer de question, mais là, rendu là, tu prends la question, puis c'est tout. tu peux dire je renvoie la question à quelqu'un d'autre, ou je, j'utilise un miroir puis je renvoie la, personne, la question à la personne qui me l'a posée. Ouais. Il y a certaines questions qui s'appliquent à tout le monde, il y en a certaines qui s'appliquent à certaines personnes en particulier, mais on va essayer de tricoter à travers tout ça. Hey, on se le cachera pas, mais ce soir, c'est sans doute l'épisode qui est le plus horreur gamer dans Horreur Gamer. Là. Parce qu'il y a un jeu! Il y a un jeu! Là. Ah! C'est malade, okay. Ça, Steven! Pour la centième, nous avons décidé d'exploiter le mot gamer. Oui! Enfin. Fait que là, dans le fond, ceux qui sont sur le stream, vous allez voir apparaître de temps en temps à l'écran des questions, ou en tout cas du texte. C'est, dans le fond, c'est le random.org, ceux qui connaissent ça. Donc, c'est avec ça qu'on va, on va faire le tirage de tout ça. Puis, Jeff, j'ai de la misère à savoir si t'es là, mais je vais prendre pour acquis que t'es là. Je suis là. J'ai juste fait mon micro pour, à cause de mon chauffage, mais ça vient d'arrêter. Fait que c'est beau. Donc là, on a 27 questions. Je vous dis pas qu'on va toutes les passer. Donc, on va y aller. Écoute, on vous dit même pas combien de temps va durer cet épisode-là. On le sait pas. Donc, on se lâche tous. On pis... le sait jamais, de toute façon. Ce soir, on va faire crier la petite madame. Puis après ça, on commence les questions. Alors, elle crie maintenant. Donc, on va commencer cette foire aux questions. Pas cette foire aux questions, pardon. Ce Q&A. Ce petit question-réponse, si on veut le faire en français. Parle comme un Redditor, c'est « Ask me anything » et « Aimé ». Ah ouais, « Ask me anything », c'est vrai. Ah ouais, c'est ça, c'est hot. Donc, dans le fond, on a 28 questions. J'ai la liste de vos frimes à chacun. Le monde peut le voir sur le stream. Donc, j'ai la liste ici des frimes de chacun. Donc, je vais mettre une petite note quand vous l'aurez utilisé. J'ai la liste des noms ici. Donc, quand je vais cliquer sur « Randomize » d'un nom, ça va nous donner le nom qui va être en numéro 1 va être le nom qui va répondre, en tout cas qui va utiliser la question. Et ensuite, je vais piger une question et la question en position numéro 1 sera celle qui va être posée. Est-ce que je suis clair? Je pense que oui. Ouais. On va clarifier tout ça au fur et à mesure. L'important, c'est qu'il va y avoir des questions, oui. Et il va y avoir des réponses. À chaque fois que j'arrive chez quelqu'un et qu'il me sort un jeu de société vraiment, tu sais, ouais, hein? qui vient juste d'être créé, genre, des dernières années, puis que je comprends absolument fuck all les règles, je dis, ben, on va jouer une coupe de tour, je vais finir par comprendre maintenant. C'est ça, exactement. Puis trois quarts du temps, ben, je comprends pas, mais c'est pas grave. Je continue à jouer pareil. Alors, j'ai cliqué sur le randomize et c'est Vicky qui a été pigée. Oui, OK. Et je clique sur le randomize de questions. Oh! Comment je fais pour avoir la question? Je vais te la nommer. Avec moi, tu me donnes la question que je renomme à quelqu'un, c'est bizarre. C'est ça. C'est ça que je trouve bizarre. Ah, OK. Mais non, je te l'ai dit. Tu en fais okay. Ce que tu veux. Tu peux soit... Nomme un film okay. qu'un... Ouais, OK, je te la pose. Ouais. Oui. Je comprends. Nomme un film qu'un autre membre d'Horreur Gamer t'a proposé, mais que tu n'as pas vu encore. J'ai tellement pensé à cette question-là parce que c'est moi. C'est moi. Steven m'a proposé un Frankenstein ou un Docteur Frankenstein, je sais plus, puis je l'ai pas vu encore! Mais c'est toi qui décides qui la répond, non? Mais non, mais c'est ça que je t'ai dit, ça, c'est stupide si toi tu poses la question que moi je repogne quelqu'un. Ah ouais, mais c'est ça, parce que vous pouvez pas voir qu'est-ce que je fais. Mais c'est ça, fait qu'on fait comme ça. Mm-hmm. On fait quelques tours de pratique, ça c'était un tour de pratique, mais on fait comme ça. OK. Fait que je vais répondre à la question, puis c'est moi. C'est moi. J'ai la seule fois que Steven me conseille un film, je l'ai toujours pas vu. C'est genre c'est Victor Frankenstein, quelque chose comme ça. Non. Victor Frankenstein, c'est pas le bon Frankenstein, ça. Moi, je t'ai proposé celui de Bernard Rose, le réalisateur de Candyman. Mais c'est ça, mais c'était trop compliqué, puis je l'ai pas trouvé, puis je l'ai jamais écouté encore. Trop compliqué, pourtant il est sur iTunes. Non, mais c'est ce que tu m'avais dit. OK, là, c'est un Frankenstein, là? C'est quoi le titre? C'est « I, Frankenstein »? Frankenstein. Non! Calvaire! Tu vois, c'est compliqué. Non, c'est Frankenstein tout court. Frankenstein. 2015, okay. Bernard Rose. Bon. OK, fait Frankenstein. Puis là, après ça, tu me dis... Puis c'est en même temps que « I, Frankenstein » puis « Victor Frankenstein ». Fait qu'il y en avait trop. Puis là, tu me dis, faut que tu vois telle version avec tel time code parce que là, il y a telle... Là, je suis comme « Oh my God, c'est donc bien compliqué pour un film conseillé par Steven. » Fait que je l'ai toujours pas écouté. Écoute, je vais t'envoyer une copie. Chez mon ami, mais oui. Tu me l'envoies sur le... Là, on se demande tout qu'est-ce que Chantal va choisir comme film. Ouais, nous, on voit que Chantal, la blonde de Steven, a choisi quelque chose. Hmm. C'est pas comme s'il manquait de choix, on s'entend. Non, mais c'est ça. C'est peut-être trop, c'est comme pas assez. Chérie, tu vas devoir nommer ton film après parce que tout le monde se demande ce que tu vas choisir. Si c'est poche, on va rire. OK. Donc, ce qui risque de se passer, qu'on va comme faire comme « Hein? Quoi? Il y a ça? » oui, tu pourrais être surpris. Ouais, c'est ça, exact. OK. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. Mais là, Vicky, dans le fond, moi, je... Pose des questions. OK, mais... Je pose des questions? Oui, écoute, d'abord. Merci. Ah oui, parce que je peux pas poser la question, je vois pas la question. Non, mais je vais la poser, puis tu vas décider qui la répond. OK. OK, on peut faire ça aussi. Oui. Ah oui. Pourquoi t'écoutes pas Scorpion, là? T'as 16 ans. OK. Vas-y. Bon, puis là, pour faire exprès, j'ai pogné une question qui était directement ciblée pour quelqu'un. Ah, mais il y en a juste une, on sait c'est quoi. Ouais, c'est... qu'on va la... on va tout de suite la passer. Comment Steven LeFrançois fait-il pour être aussi sexy? C'est Chris Yukigami qui nous a demandé ça. Il ferme son micro à ce moment-là. Ben oui. Je pense qu'il ne peut pas répondre à cette question. Steven ne veut pas... Mais non. Dans notre post officiel, j'ai répondu à la question. Ah ouais, c'est quoi t'as répondu? Pour Steven. J'ai dit, ben son secret, c'est qu'il s'enduit de vaseline. Puis là, j'ai mis un petit bout du film Striptease, dans lequel on voit Burt Reynolds tout enduit de vaseline, qui dit, yeah, ça, oh, ça se couche en dessous. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, trop drôle, JF, trop drôle. Vous n'êtes pas revenu à ça pour de vrai. Steven, ah oui, on a pogné la question. Pourquoi, comment tu fais pour être aussi sexy? Écoute, je sais pas, c'est peut-être mon petit côté farfelu et jovial ou le fait que je mange beaucoup de fast-food. Moi, je pense que c'est les cheveux. Ouais. Ou les lunettes. Moi, je pense que c'est plutôt mon casque de crabe que j'avais il y a pas longtemps. Ouais, ça, j'avoue que ça... c'est dur à battre. Hein, c'est dur à battre mon casque de crabe. On a tout un coup de fou à ce moment-là, je pense. Ouais, mais écoute, même Gino Chouinard l'avait copié tellement qu'il avait trouvé ça sexy. Ben oui, tu sais. Hey, c'est vrai, ça, j'avais trouvé ça vraiment poche. Mais c'est vraiment malaisant comme question. Écoute, peut-être si j'étais un candidat d'occupation double, je m'appêterais. Je dirais, ouais, je suis vraiment sexy parce que les filles, quand ils me regardent, ils voient mes pétos, puis j'ai des pipes, des petits gros pipes. Mais non, je suis pas de même. Fait que, j'ai eu un flash de toi, occupation double, avec ton casque de crabe. Ouais, c'est bon, ça. Oh my god. Là, t'as les filles qui sont en train de se consulter, puis qui se disent, comment qu'on le garoche dehors, celui-là, c'est assez le temps. Ils vont dire, c'est le moins douchebag de la gang, c'est ouais, le plus fun de la gang. Juste cette semaine, tu sais, Chantal, la blonde à Steven, a publié un truc. Moi, quand j'appelle mon chum pour qu'il aille faire l'épicerie, puis là, j'y fais une liste, puis là, il note rien. T'es tout ça, tu veux pas une liste? Non, non, ça va, j'ai tout noté dans ma tête. Puis là, il revient de l'épicerie, puis qu'est-ce que t'as acheté? Un panda. J'avais juste envie de répondre un panda avec un chapeau funky. Oui. Ça prend toujours un chapeau funky pour Steven. Ben, écoute, Sébastien aussi est réputé pour avoir des chapeaux funky. Ben, oui, mais les chapeaux sont classe. Mais si tu pouvais l'acheter, si tu pouvais acheter Sébastien, tu l'achèterais à cause de son chapeau, je suis sûr. Si je pouvais acheter Sébastien ou chapeau? À l'épicerie. Si tu pouvais acheter Sébastien. À l'épicerie? Ouais. Dans la section bio? Un petit Sébastien en plus, là. Ouais. Non, moi, je pense qu'il est à côté du bonhomme Monsieur Net. Ah, je suis sur le bord, Non, c'est pas vrai. Je suis sur le bord de Calais. Oh, non. God. Je pense que Steven, il voudrait un Sébastien en carton grandeur nature avec son chapeau. Écoute, Sébastien. Puis quand tu passes devant, il fait juste faire « Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! » Ça fait 10 ans que t'es sur le bord de Calais. Je pense pas que tu vas Calais, sérieux. Ah, je sais bien. J'en ai découvert encore. Là. Ça a monté encore plus loin. Attends au deuxième enfant, puis on s'en reparlera. Ah, c'est ça. Je vais les arracher moi-même. En fait, la question, c'est si tu cales, est-ce que tu vas te raser complètement la tête ou tu vas te faire une petite moumoute ou te mettre tes cheveux de côté? Ça. Si on me paye, je pourrais me faire les petits cheveux de côté. Vends ton crâne, non, mais vends ton crâne pour de la publicité. Ah, c'est vous allez pouvoir te déguiser en fétide dans la famille Adams la prochaine année. Je suis en train de faire un régime, je peux pas. Ah, c'est sûr. Bon, Colin. Encourage. Bon, je vais aller me chercher du coke. Faudrait juste avoir une petite main difforme pour ressembler au majordome dans Scary Movie 2, là, tu sais, qui s'amuse à être la dingue de manière très dégueulasse. Bon, on va passer à la prochaine question avant que ça dévie trop loin de sous mon physique, là. Voilà. Donc, on te trouve beau. On t'aime. Donc, Jean-François, tu dois poser cette question-ci à quelqu'un. Avez-vous un petit côté en vous, genre vouloir faire peur à des amis ou famille en reprenant des moments dans un film? Je la pose à Vicky. Mais j'ai pas entendu la question, il faut que tu la poses au complet. Ok, c'est bon, je la repose. Est-ce que Vicky, tu as un petit côté où est-ce que tu aimerais faire peur à des amis ou de la famille en reprenant des moments de film? En reprenant, non, mais j'aime écouter les films d'horreur, fait que je les impose à tout le monde, malheureusement. Ok, fait que tu les fais peur avec les films d'horreur, mais toi, t'as envie, t'essaies pas de les faire peur. Non, pas vraiment, mais j'ai pas le temps non plus. Écoute, on s'entend-tu qu'une fille de business qui a un resto cinéma qui décide de passer Butter Mick, elle veut faire peur en esti à sa tête. Et voilà! Ça, là, j'ai un ami qui est venu, puis il est venu à pied, puis il dit « Mais pourquoi j'ai marché jusqu'ici pour voir? Pour voir un gars se faire faire à toi. C'est quoi, il se fait refaire sa toiture? Qu'est-ce qu'il se fait faire un moment dans sa maison? Ah, mais il y a un bout de toiture qui sert à rien, là, mais c'est parce qu'il fait faire la toiture solaire. Fait que, tu sais, c'est pour montrer à quel point le gars, il est vert, il est écologique, là. Mais c'est parce que, tu sais, un peu plus, puis ils vont lire la soumission pendant le film, là. Ben oui, c'est ça. Ça finit plus. Mais oui, ça, c'est génial, Birdemic. Mais non, je ne fais pas peur aux gens. Je suis pas une fille de prank non plus. Je suis pas une fille de mauvais coup. Mais j'aime que les gens écoutent des films d'horreur. Puis je comprends pas qu'on en écoute pas plus souvent. J'ai du monde qui me disent « Ah, oh, moi, les films d'horreur, les films violents, j'aime pas ça. » Puis je suis comme « Ouais, mais attends, là, je vais t'en trouver que tu vas aimer. » Mariana. C'est tellement plus que ça. Puis je trouve que l'horreur, c'est l'inhibition, c'est... questionner les tabous. Fait que je suis comme, non, on t'a peur, là. Il y en a qu'il faut que t'écoutes, là. C'est pas vrai, là. Pourquoi, pourquoi tu penses justement qu'on a fait les 31 jours d'horreur avec des catégories différentes pour que le monde sorte un peu puis qu'il découvre de quoi? Puis tu sais, ceux qui aiment pas ça, ben on a vu des articles passés que ça fait perdre du poids. Ça fait, fait battre le cœur plus vite, ça fait perdre des calories, fait que brûler des calories. Quelqu'un qui... C'est un article plus intéressant, mais ça parlait de l'anxiété. Les gens qui sont anxieux vont aimer les films d'horreur parce que pendant la durée du film, l'anxiété ne sera pas envers eux, mais va être envers les personnes dans le film. Fait que ça fait comme du bien à ces personnes-là pendant deux heures de arrêter de s'en faire pour eux autres puis de s'en faire pour d'autres mondes. Et ça te fait oublier tes angoisses. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, c'est ça ne t'en crée pas des nouvelles nécessairement. Non, ça questionne les tabous, ça questionne les valeurs. Oui. Je trouve que le film d'horreur, c'est un des seuls films ou presque. Un des seuls genres, ou presque, où tu es capable de te mettre dans la situation de la personne et de dire qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là. Oui, exact. C'est vrai. Fait que ça te fait vraiment questionner sur ta personne énormément, au contraire de bien des genres. Donc, c'est le film d'action, tu te diras pas qu'est-ce que j'aurais fait avec cette bombe qui explose, tu sais, non. Ben non. Pendant cette poursuite de voiture, qu'est-ce que je me dis pas. Comédie musicale, je me dis pas, j'aurais fait ce step-là autrement. Voilà. Ben, écoute-moi, avoir été dans Lethal Weapon 2, je m'aurais demandé si je me lève de la bas de toilette avec la. Oui, c'est sûr qu'on se le demande tout. Oui, c'est sûr, mais reste que Batman nous l'a dit, il y a des journées où c'est vraiment difficile de se débarrasser d'une bombe. Oui. Colin, je me fais caca. Oh, wow, j'adore ce call-là. Tabarnouche. Ah, c'est hot. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime ça faire peur du monde? Moi, j'adore ça. J'ai un vieux bonhomme à ma job qui est rendu comme dans la soixantaine. Puis c'est mon. C'est le faire mourir. Non, mais ben, c'est drôle, mais c'est ça que je dis. À chaque fois. À chaque fois que tu lui fais peur, je dis tout le temps, un jour je vais t'avoir, un jour je vais te faire faire une crise cardiaque. Il pisse de l'huile. Tu vas trouver moins drôle. Il pisse de l'huile de friture dans la face. Non, mais là, à un moment donné, j'ai eu une passe vraiment Evil Dead. Là. Je m'en allais jusqu'au container, puis là j'avais mon cellulaire, puis là je me filmais une vidéo, puis là je partais comme l'espèce de démon en version POV, de puis là, je peux courir jusque dans le restaurant. Je m'entends même pas arriver, puis j'y rentre dans le dos. C'est merveilleux. Un jour, on va t'avoir. Un jour, tu vas mourir, asti. Tu sais, là, il arrive à ses funérailles, puis il est devant la tombe. Yes! Yes! J'ai eu! Steven was here! Tout le monde pleure dans la salle. Je suis le seul avec un petit sourire, genre, asti, je suis satisfait. Yeah. Job il fait jouer la toune de Rocky sur son cellulaire. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Il tourne autour de ça. Là, ce serait un bon film d'horreur si il reviendrait en fantôme ou une espèce de vengeance obscure. Aïe, ça serait cœur. Ah, ok, good. Donc, prochaine question. C'était Luc Gosselin, d'ailleurs, qui nous avait suggéré cette question-là. Très bonne question, Luc. Donc, Vicky. Oui? Voici la question que tu dois poser à quelqu'un. OK. On t'oblige à écouter un film en boucle, ce serait lequel? Ouais, Seb. Quel film en boucle t'écouterais? Quel film en boucle que j'écouterais? Prévisible. Moi, j'ai une idée. Toi, j'ai une idée. Ouais, ben là, ok, d'abord, je veux savoir c'est quoi vos idées. Vous avez tous les trois une idée. J'allais dire Labyrinthe de Pan. Parce que c'est ce qu'il dit dans l'épisode. C'est le film que je pourrais écouter tout le temps. Ben, ouais. Si on se dit un film d'horreur ou en tout cas fantastique, ouais, je pense que je pourrais écouter Labyrinthe de Pan, mais tabarnouche, je serais rough. On serait sur ta tombe. Le gouvernement de Toast, c'est comme, je m'excuse, man, mais c'est pas de ma faute. que j'écouterais en boucle. Si on est dans l'horreur. Ouais, je pense que j'écouterais peut-être Labyrinthe de Pan. Ou peut-être. Je pense que j'écouterais peut-être plus un autre là, de Del Toro. Là, juste plus léger. Là. J'écouterais peut-être Chronos ou Devil's Backbone. En boucle? Ouais. Tu es capable? C'est pas un peu lourd, je sais pas. Je sais pas, le Labyrinthe de Pan, il est lourd aussi, là. Ouais. Moi, je sais pas, quand on me dit un film en boucle, c'est un film que je me dis que c'est tellement le fun que une heure et demie. Tu sais, un peu comme quand j'étais jeune, j'écoutais en boucle Army of Darkness, parce que le film est vraiment divertissant et le fun. Fait que c'est un peu ma vision de ça. Ok, je vais ailleurs, j'écouterais Freddy 3 en boucle. Ah, c'était ça que je pensais, moi, tout, à l'instant. Ouais. Cool. J'écouterais Freddy 3 en boucle. Ouais. Nice. Mais sinon, si on va dans le film de tout genre, c'est sûr que je me taperais un Chaplin. Ah si, je l'ai dit en même temps. Je me taperais un Chaplin. Il faudrait que je prenne le temps de choisir, mais ça serait probablement City Light ou Les Temps Modernes ou peut-être Le Dictateur. Un des trois. Nice. Cool! Je regarde un peu le chat. L'avion de l'apocalypse. Pascal Jacob nous dit l'avion de l'apocalypse. Attends une minute, je vais te rappeler ça, mon petit Sébastien. Ça s'écoute bien en boucle, ça, l'avion de l'apocalypse. C'est Nightmare City, ça? Oui, c'est l'épisode qu'on a fait, Sébastien, où que c'est... Ça s'appelle c'est de même. Je choisis Nightmare City, ouais, l'avion de l'apocalypse en français. Je me souviens pas que c'était ça en français, ok. C'est le fun. Non, t'as eu le fait pas. Ah, en fait. Hey, Pascal, il se bonne de moi. Non, non, si j'écouterais pas Nightmare City en boucle. Avec la manière que ça se finit, ça s'écoute bien en boucle, ça. Mais c'est ça, c'était vrai, ça j'allais dire, moi et tout, je te dresse le même mot, je me souviens pas que vous ayez fait un épisode là-dessus, mais oui, effectivement, ce genre de film-là, avec sa finale, je suis parfaitement d'accord avec JF. La fille qui tombe dans les barreaux du manège, moi, je peux écouter ça en boucle, là, et en boucle. C'est drôle, quand j'ai vu le titre dans le chat, c'est la première image que j'ai eue dans la tête aussi, le corps qui tombe. Hey, honnêtement, je me souviens de plus rien. Soir, c'est incroyable. Hey, on connecte à soi, c'est incroyable. J'ai tout oublié de ce film-là, je l'ai effacé de ma tête. Come on! Oui, je te jure, j'ai tout oublié. Note tes deux dernières questions de Véro. Là. Ouais. Sont intéressantes. C'est bon. Et t'es intense, Véro, ce soir. De plein d'idées. C'est bon, je prends ça en note. La prochaine question, c'est moi qui la pose. Qui la pose à quelqu'un. Et c'est, est-ce qu'il y en a qui ont de la famille ou un entourage qui trouve ça bizarre de triper horreur? Ouais, bon, ben, étage général à tous. Ça arrive-tu? Vous avez-tu des amis ou de la famille qui font comme, est-ce que t'es bizarre d'écouter de l'horreur, toi? De mon côté, je pense que tous mes amis sont habitués à l'horreur quand ils sont venus chez nous. Je veux dire, j'ai tout le temps été là-dedans, puis ma famille aussi. Je veux dire, c'est mes parents qui m'ont comme incrusté dans les films d'horreur. Fait que j'ai jamais connu une personne qui me regardait croche parce que j'aimais vraiment le cinéma d'horreur. Là. Vicky, as-tu du monde qui te trouve bizarre? Ben, moi, c'est un peu le contraire dans le sens où, en tant que fille... c'est très surprenant où je me fais challenger. Le monde m'arrive avec la collection de films d'horreur de la capsule, puis ils sont comme « Ah, t'as une belle collection, t'es connais-tu tous? » Oui, c'est les miens. Je me fais énormément piquer, Mais quand vient le temps de ma famille, eux autres, ils vont me défendre. C'est comme, ben non, Stevie qui a écouté Evil Dead, Opéra de la Terreur à 3 ans, Freddy 3, elle a vu ça toute sa vie. Fait qu'au contraire, ma famille, c'est comme, ben non, Vicky a toujours adoré les films d'horreur. C'est normal. Tu te fais piquer. Ah, je me fais challenger tout le temps. Les super-héros puis les films d'horreur. Parce que t'es une fille? Ou juste parce que c'est toi? Ça, c'est gossant, cette histoire. Ah oui. Ouais, ma copine, elle vit pas mal la même chose. Ben, je veux pas faire du féministe whatever ici, mais pour vrai, là, c'est vraiment parce que je suis une fille, puis il y a des situations vraiment malaisantes où j'étais avec mon partner qui est un gars, puis il dit tout ce qui est à la capsule appartient à Vicky. Là, tu sais, je veux dire, tous les objets, les BD, les ci, les ça, c'est à Vicky, mais il dit pas rien. Il dit les films, en fait. Il dit tous les films, c'est à Vicky. Tous les objets ici, c'est à Vicky. C'est Vicky qui a rembourré la capsule. Puis on se met à jaser d'autres choses, et la personne nous quitte en disant, en tout cas, bye, Guillaume, by the way, t'as une belle collection de BD. Mais dans la conversation, ils ont dit que c'était mes BD. Mais en partant, c'était... Tu sais, fait qu'il y a vraiment cette espèce de regard pas étrange, parce qu'un coup, je dis que c'est à moi, c'est cool, c'est d'égal à égal. C'est vraiment pas ça. Mais c'est le tu sais, comme j'ai acheté beaucoup des DVD à Simon Predge. Oui. Fait qu'ils disent comme, tu l'as-tu vu? Mais oui, j'ai pris le temps de les voir avant de les mettre, tu sais. Mais en gros, c'est comme, une fille avec une aussi grosse collection de films d'horreur, ça fait spécial. Mais tu vois, je me la fais poser encore toutes les fois que je vais à radio, là. À Radio-Can, oui. Ça fait 4 ans que je vais à Radio-Can pour les 31 jours d'horreur, puis c'est tout le temps comme... Mais ça a l'air cliché, là, mais est-ce que les filles trippent aussi? Puis t'es comme, mais voyons, là. T'sais? Mais oui, c'est arriver sûr. En ville. C'est sûr, ouais. Que, tu sais, si tu regardes sur tous les forums, sur Facebook, tout ça, les personnes les plus actives, oui, il y a une majorité de gars. Moi, je peux vous dire que je regarde les stats d'horreur gamer, tu sais, nos fans, puis oui, c'est des hommes en majorité de 18 à 34 ans, tu sais. Mais sérieusement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Instagram. J'y suis régulièrement. Et tu sais, je mets souvent des hashtags avec mes achats de horreur, family, peu importe. Puis quand je m'en vais voir dans cette section-là, globalement, c'est des filles que je vois avec des collections aussi immenses que la mienne, puis des passionnés, puis qui s'y connaissent. Fait que tu sais, je veux dire, franchement, en 2017, on n'est plus rendu là. Je veux dire, des filles qui écoutent pas le cinéma d'horreur, fuck off, là, c'est pas vrai ça. Là. Si vous me permettez, ça me surprend pas parce que Steven, sur Instagram, c'est des photos. Fait que déjà en partant, je pars. Tandis que moi, j'ai quitté énormément, désolé nos amis français, mais j'ai quitté énormément de forums d'horreur français parce que quand je commentais, je fais vraiment répondre, écoute Bibi, calme-toi. Puis je suis comme, what? Ouais, c'était débile. Je voulais partir là-dessus un peu. Je me disais, ben tu sais, pas partir longtemps, mais juste dire que les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. C'est compliqué pour les femmes en général. Fait que, ils vont moins s'exposer que les gars souvent. Puis ils vont avoir peur des répercussions, des commentaires qu'ils vont recevoir. Pas avoir peur, mais juste vouloir éviter tout ce négativisme-là ou toutes ces attaques-là. Fait que souvent, ils exprimeront pas leurs intérêts ou quelque chose comme ça. T'sais. Parfois, on évite de commenter parce qu'après ça, on se fait quasiment questionner sur la pertinence de notre commentaire. Ouais, c'est ça. Moi, ça me dérange pas que tu débattes avec mes idées, là. 100 fois, j'adore débattre de mes idées, puis c'est quelque chose qui me plaît. Mais quand que je débat parce que je me fais dire « Ouais, mais tu connais pas ça », non. Puis je le sais qu'il y a pas de gars qui se font répondre « Tu connais pas ça ». Un gars qui a un t-shirt de Captain America, tout le monde va faire cool. Une fille qui a un t-shirt de Captain America, ils vont faire comme « T'as peu, sais-tu vraiment c'est quoi ça, là ?» Ça met dans la même affaire avec la musique métal. Une fille va porter un chandail de Cannibal Corpse, c'est comme, oh, elle a jamais écouté ça, c'est sûr. C'est comme ils font juste, juste la réaction de dire, ah ouais, elle aime les super-héros, elle. Tu sais, c'est... Elle a le droit, tu sais. Mais tu vois, Marc-Antoine, sur le chat, il dit, toutes les filles que je connais qui aiment le film d'horreur me racontent des situations semblables à celles de Vicky. Puis il dit, à mon avis, il y a plus de gars sur les groupes d'horreur parce que harcèlement sexuel, parce que mansplaining constant. Elles n'ont pas toutes envie de participer aux communautés web pour cette raison, comme tu dis, Vicky, d'ailleurs. Ben, c'est ça, tu sais, je mets Birdemic, excuse Steven, je finis là-dessus, mais tu sais, je mets Birdemic, puis je trippe, puis je trouve ça drôle, puis le monde sont comme, ben voyons, tu sais, c'est pas un film de filles, mais c'est quoi ça? T'sais, j'ai le droit de tripper sur Birdemic quand même, tu sais. Fait que c'est cette espèce de, quand je programme un film, que ce soit Birdemic ou un autre, quand je programme un film, c'est parce que je l'aime. Parce que quand je programme un film, je vais le voir 6 fois en 2 mois. Fait qu'il faut pas qu'il me tombe sur le nom. Le seul que j'ai fait une exception, c'est Princess Mononoke. Hate Princess Mononoke, sorry. Mais sinon, fait que je les aime pas, ces films-là. Puis, tu sais, Princess Mononoke, je l'aime pas, mais je le connais par cœur, la crise de film, mais je l'aime pas, point, tu sais. Mais je vais me faire questionner, je vais me faire challenger. Je pars tout le temps avec un pied qui boite. Tu sais, il faut tout le temps que j'explique qui je suis avant d'expliquer ce que je fais. Ça, ça gosse en crise. Tu sais, nous autres, à la job, il y a une fille qui aime les films d'horreur aussi, là, tu sais. Genre de films d'horreur avec, mais tu sais, à mesure, quoi, je pense qu'elle doit mesurer 4 pieds 8, tu sais. Elle est petite, puis tu sais, elle est toute belle, puis tu sais, elle est bien checkée, tout ça, puis elle n'a pas de t-shirt de film d'horreur ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'est pas écrit dans sa face, là. Mais justement, quand je genre de film d'horreur avec, puis que le monde s'en rend compte, faut comme, t'aimes les films d'horreur, toi. C'est comme s'il fallait que ce soit qu'on s'affiche, tu sais, en tant que fan d'horreur. Mais ils te posent pas la question à toi, tu sais. OK, peut-être que toi, tu t'affiches plus, mais quand même, ils font pas comme, vous aimez les films d'horreur, vous autres. Tu sais, pourtant, je suis un gars qui porte un chapeau avec un polo, là, tu sais, là, je veux dire, je suis pas Steven avec son chandail de Pumpkinhead, là. Mais c'est ça constamment, c'est pas « vous aimez les films d'horreur, vous autres », c'est « elle, toi, t'aimes ça, toi, elle ». Mais pourquoi j'aimerais pas ça? Fait que oui, c'est quand même, je veux pas rentrer là-dedans, mais oui, c'est quelque chose. Fait que moi, j'aime ça depuis que je suis toute petite, pour revenir à la question. Fait que non, ma famille me questionne pas pis trouve pas ça « over », mais autour de moi, parfois, il y en a qui font « ben voyons donc, est-ce que c'est vraiment pas qu'elle parle? » Pis ça, c'est un petit peu plus. Tu sais, moi, il y en a qui essaient des fois de me faire... Excusez. Essaye de me faire pas la morale sur les films d'horreur. Hein. Mais tu sais, l'autre jour, il y en avait un à un job qui me disait « Ah, mais tu sais, un film d'horreur, dès que t'as compris la mécanique, comment que le film essaie de te faire peur, t'as plus peur. » Puis là, t'es comme « Man, c'est parce que de un, les mécaniques, il y en a des centaines, puis ils se renouvellent tout le temps. Puis oui, c'est sûr que si t'es assis devant le film, puis tu fais comme « m'a l'analysé, puis m'a tout essayé de faire pour pas avoir peur. » Mais oui. C'est comme n'importe quoi. Là, si je te présente une comédie, puis tu vas faire comme, ouais, je vais essayer de trouver les timings là, pour voir comment ils font pour faire rire. Là. Ouais, là, regarde, ouais, tu vois, son gag, là, il était prévu à cause de ça. T'sais, je veux dire, c'est normal. Si tu mets une analyse avant d'écouter un film ou une toune ou bien de lire un livre, t'apprécieras rien. T'sais. Qu'est-ce qui fait qu'on aime les films d'horreur ou whatever le type de film? C'est qu'on s'abandonne. T'sais. Ben oui! T'sais, voyons donc. Puis, t'sais, sinon, il y en avait un autre qui me disait, moi, les films d'horreur, pour moi, c'est tous des films drôles. Ben non, c'est pas tous des films drôles, tu sais. Tu m'as t'en montré. Si tu ris à certains films, m'a questionné ta morale, tu sais. c'est carrément ça, là, tu sais. Toi, Jeff, c'est plate. Ouais, non, vas-y, Jeff. Non, ça fait un bout, Steven. Moi, c'est drôle, j'ai pas de souvenir de m'être fait dire que j'étais bizarre, parce que j'ai perdu mon écouteur, à cause des films d'horreur. Mais j'ai les musicals. Un peu... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'effet contraire parce que depuis que je suis. Depuis, ben, surtout avec mes chums d'amis, mes chums de gars depuis l'adolescence, je trouvais que mes goûts faisaient un peu. Puis je vais dire quelque chose de très politiquement correct, mais c'est pas vraiment pour être insultant, mais ça faisait fif un peu comme goût. Ouais. Ça faisait tapette un peu de regarder des films avec des gars en collant qui dansent. Là, puis de triper sur Rocky Horror Picture Show, un film de travesti, il y a 20 ans, quand c'était pas encore super mainstream comme ça l'est maintenant, mes chums me regardaient bizarre. Pas à cause des films d'horreur, à cause des comédies musicales. T'sais, j'avais l'impression que parce que j'écoutais des disques, l'original cast recording de Les Misérables, de telle affaire, t'sais, de Fantôme de l'Opéra, j'étais bizarre. T'sais. C'était mon feeling. Je me suis jamais vraiment fait dire, mais c'était mon impression. Puis j'ai jamais eu cette impression-là avec d'autres choses, ni les films d'horreur, ni d'autres choses. T'sais. Pas fou, c'est vrai. C'est ça. Pourquoi t'aimes ça? Ben parce que j'aime ça. J'aime la musique, j'aime ça, c'est ce que je te dis. Je suis sûr qu'on prendrait les 15 personnes qui sont sur le chat présentement, on les alignerait, puis on aurait 15 personnes différentes. Là, t'sais. On ferait comme « Ah oui, check-les! Oui. Check-les! Est-ce que c'est tout écrit dans leur face? » Mais non. Puis alors, le pire, c'est que pour avoir... je m'excuse de te couper, pour avoir visité Fantasia plusieurs fois, puis des affaires de films d'horreur, t'sais, on le dit souvent, mais les fans d'horreur, c'est les personnes les plus sympathiques au monde, souvent. Puis c'est les personnes les plus inoffensives. C'est des gros toutous, là. C'est du monde qui sont tout habillés en noir, puis avec des tatous, puis ça. Mais c'est du monde tellement gentil, puis doux, puis inoffensif, là. En tout cas, souvent, c'est ça le cas. C'est pas mal le point que je voulais apporter. Je voulais dire que les forums puis les groupes sur Facebook de communauté d'horreur, en guillemets, c'est souvent la paix marde où aller. Non, mais pour de vrai, c'est vraiment la paix marde. La plupart des groupes que je vois sur Facebook à 2000 membres, là, la cochonnerie qu'il y a là-dedans, ça n'a aucun sens. Tandis que en dehors du monde virtuel, quand tu vas au Comic-Con, au Fantasia, puis Jeff vient de le dire, t'es avec des vrais fans où il y a autant de filles que de gars, puis tout le monde se parle, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas « Pourquoi elle apporte un T-shirt de Pumpkinhead, justement? » Non, fuck, c'est comme... Tout le monde est là pour la même passion, puis c'est naturel. Tandis que dans un groupe, il faut que tu te justifies sur tout. Mais eux, quand ils viennent te dire un commentaire sur un film, « Ah ouais, j'ai écouté Babadook, c'est de la crise de merde », tu fais juste demander « Ben, pourquoi? » « Ben, c'est mon opinion, j'ai le droit. » Puis là, c'est tout en même groupe, ça me gosse, là. Tu vois, hier, j'étais allé à... Avant-hier, j'étais allé au festival Le Frisson du Nord. Steven, t'as callé une danseuse? Ouais. C'est pas tout à fait. Ah, tu le verras dans la diffusion. Mais avant-hier, j'étais allé au festival Frisson du Nord qu'on a eu ici à Chicoutimi, tu sais. Puis c'était ça, là. La salle était jam-pack de fans d'horreur. Puis tu sais, c'était du bon monde souriant. Tout le monde était là pour avoir du fun, tu sais. Il y a personne qui était là pour genre... De voir des membres. Puis, comme Steven dit, les forums de discussion des fois en ligne sur Facebook ou ailleurs, ça peut être vraiment gossant. Tout le monde dit comme « Ah, il n'y a rien de bon qui s'est fait depuis les années 80. » Mais moi, dans ce temps-là, c'est comme « Regarde, je lis même plus que tu écris. » Je commente même pas. Tu vois, ça serait un bon billet d'opinion sur notre site. Pourquoi est-ce que c'est correct d'aimer les films qui datent de plus que 1986? Pourquoi Jason 3 n'est pas le dernier bon film d'horreur qui a été fait? On dirait tellement que c'est ça. Mais non, écoute, ça n'a pas de sens. On va passer à la prochaine question. Ouais. Je l'ai comme pigé d'avance, celle-là, parce que tu sais, j'avais déjà le nom de la personne, mais j'ai pogné la question qui était générale à tous. Mais c'est moi. Alors, okay. Je vais poser la question suivante à quelqu'un. As-tu un épisode que tu n'aimes pas du tout? Un épisode d'Horreur Gamer, on s'entend? Et j'ai le goût de la poser à JF, cette question-là. J'ai l'impression que c'est peut-être là qu'on va avoir notre première frime qui va être utilisée. Non, j'ai envie de répondre. Ah oui, vas-y. Ben, je peux pas dire si je l'aime pas parce que je me souviens pas tout à fait du contenu, mais je regrette de ne pas avoir écouté le film à Steven. Je me rappelle plus du titre, je pense que c'est Thirst. C'est ça, Thirst? C'est le film coréen qu'on a fait, que j'ai pas fini. Puis ça, je regrette de pas l'avoir fait pour l'épisode. Puis c'est juste ça. En fait, c'est un regret que j'ai. C'est pas un épisode que je déteste, mais c'est un regret que j'ai. OK. Bon. Puis ben d'abord, écoute, ça a été tellement rapide. Mais si quelqu'un d'autre veut répondre à la question rapide. J'ai envie. Honnêtement, je pense que quand tu commences dans le milieu du podcast, réécouter tes premiers épisodes quand t'as pas le rip, t'as pas la... OK, j'ai l'impression que Sébastien sait où je m'en vais, je suis pas sûr. Mais j'ai bien de la misère avec mon épisode Full Moon qu'on avait fait avec Castle Freak. Fallait que je fasse un résumé. Man, tes résumés, là, au début des premiers épisodes, tes résumés de film étaient épouvantables. C'était le film au complet. Je recommençais 30 fois parce que je me fourrais, puis il y avait juste Seb et Pierre qui riaient, puis à la fin de l'épisode, il y a des bloopers. Mais quand je réécoute ces épisodes-là, je suis comme, mon Dieu que c'est mauvais! ça s'éternisait, là, moi puis Pierre, on était comme, tabarnak, vas-tu finir, là? C'est tellement long. J'en faisais un gag. Moi, je suis arrivé plus tard, mais j'en faisais un gag des fois de « Bon, Steven, il va faire le résumé, on va voir le plan par plan, parfait, on continue. » Ouais. Le film commence avec deux gars qui jasent dans un char. C'est comment ça, là, tu sais? Le générique apparaît, Full Moon Present. La musique, c'est... Oh, wow! Oh, c'est Oh, j'adore ça. OK, prochaine question. Ce sera. Ce sera Steven qui va décider de la poser à quelqu'un. Okay. Ben écoute, c'est presque ça. C'est presque la même chose, mais quand même. Si vous pouviez refaire un épisode, ce serait lequel? Ah non, bon, j'aurais dû prendre celle-là. Mais let's go. OK, je vais y aller avec Sébastien, parce que j'ai l'impression qu'il parle pas beaucoup à date. Ouais, OK. Si je pouvais refaire un épisode, je referais mon épisode chez Ministre. Avec Peeping Tom. Puis je redonnerais une chance à Peeping Tom. Ouais. Je me suis trouvé un peu rabat-joie dans cet épisode-là. Puis écoute, je vais en nommer un. Moi, j'étais préparé. Je voulais que quelqu'un m'appose. Mais s'il y a un fucking épisode que je vais refaire, puis je lui ai dit que je voulais qu'on en refasse un, c'est l'épisode sur Hardware. J'étais à chier. Ouais, j'étais haché cet épisode-là, j'étais pas prêt, mais maintenant c'est comme je veux me battre, j'ai mes armes, j'ai mes couteaux. Let's go! Faudrait qu'on réinvite Pierre à cet épisode-là. Oh, oui, on va réinviter Pierre, puis moi je vais inviter Marc-Antoine. Ça va être toi, Pierre, JF. Oh, moi, ouais, moi c'est ça que je referais comme épisode. Tous les épisodes où Pierre est pas là, on les referait, mais avec Pierre. Ouais, bon. Ça finit plus. Marc-Antoine, il dit il referait tous les épisodes qu'il a déjà fait de peu importe tes podcasts. Ben, tu sais, c'est un peu ça avec l'expérience que tu prends. Je veux dire, mettons, aujourd'hui, on est satisfait des épisodes qu'on fait, mais peut-être que dans 5 ans, avec l'évolution, on se dirait « Oh, fuck, man, mes épisodes d'aujourd'hui sont vraiment pas bons. » Tu sais, on essaie tout le temps de corriger ce qui peut nous agacer ou, tu sais. Ouais. Je pense qu'on va jamais atteindre la perfection en même temps. C'est pratiquement impossible. Non, je pense pas, tu sais. Moi, je réécoute souvent les épisodes. J'essaie de corriger un peu mon style d'animation, mais tu sais, je me rends compte que j'ai mis plis, puis tu sais, on essaie tout, je pense, de travailler quelque chose qu'on fait pas correct, mais ouais. On n'y arrive pas toujours. Ou des fois, on fait comme, hey, ça fait deux, trois fois que ça va bien, puis le mané, paf, ça t'arpète dans la face. Non, il y a quoi d'autre qui apparaît, tu sais. Je pense pas qu'on peut toujours faire comme, est-ce que j'ai torché? J'ai vraiment torché. Je suis bon en crisse. Je pense pas qu'on fait ça. En tout cas, moi, pas moi. Je peux vous le dire, pas moi. Ben, moi, je le fais. Ouais? Ben oui. Bon. Je passe tout le temps, mais il y a des épisodes que je. Ah oui! Qu'est-ce que c'était nice! Oui. Des fois... était hot. Oui, ça arrive, là, tu sais. Mais tu sais, de moi, de comme faire ce que je torche, je suis vraiment bon. Tu sais, admettons. Tu sais, je suis allé à Radio Cannes pendant les 31 jours d'horreur. J'écoute ce que j'ai fait, puis je fais comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Ah, oh, pourquoi j'ai pris cette formulation-là? Ah, oh, j'ai fait un lapsus. Ah, oh, j'ai. Blablabla. Ouais, ouais. On a plus de facilité à se dire après un épisode, asti que j'étais à chier. Asti que j'étais à chier que asti que j'étais vraiment bon, parce qu'on va juste fixer sur des négatifs. Ouais. Ou des fois, tu sais, après un épisode, je vais faire comme, hey, c'est vraiment bon cet épisode-là, puis là, je suis en train de le monter, je fais comme, ah oh, mon Dieu! Ah! Oh, ah oh, mon Dieu! Puis là, je coupe des bouts. Non, j'en coupe vraiment pas souvent. C'est vraiment très, très rare que je fais du montage. Je me dis qu'on doit assumer tout ce qui est dit dans ce podcast-là. À moins vraiment que quelqu'un dise « OK, pouvez-vous vraiment enlever ce bout-là? » C'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Mais c'est fou, vous dites ça, parce que moi, au contraire, j'assume tout ce que je dis, puis la manière dont je le dis, ça me dérange pas, parce que je suis tellement exposée à la critique avec mon entreprise. À tous les jours, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, un conseil, une manière de faire différent, ou ci ou ça. Fait qu'à tous les jours, je me remets en question sur est-ce que je fais ça de même, est-ce que je fais ça de même. Fait qu'on dirait qu'ici, là, non, moi je finis puis je suis comme, qu'est-ce que c'était nice, ou est-ce que t'étais fatigué à celle-là. Tu sais, comme je pense à celle-là de la semaine passée, je baille puis je dors puis je suis comme, qu'est-ce que tu dormais debout à cet épisode-là. Mais jamais je vais être comme, ah oh, non, cet épisode-là, j'aimerais mieux qu'il ne soit pas diffusé, mais si je fais leur refaire, je leur ferai au complet. Mais pour la question qui est vraiment, si vous me permettez d'y répondre, ben si oui. Je peux refaire des épisodes, ça serait les 31 jours de l'an dernier. Parce que j'ai pas pu en faire aucun. Premièrement, ça m'a manqué. Et deuxièmement, quand il est venu le tour de mes films, vous les avez massacrés comme si. J'ai pris full personnel cet épisode-là. J'étais comme, hey, je suis même pas là, puis je ne serai pas là pour jamais dire mon point de vue. Fait que. Non, mais t'en avais pas animé un, il me semble que t'en avais animé un. Mais à peine, tu sais, puis ouais. J'avais pas pu voir de film, puis c'était, tu sais, l'an passé, j'ouvrais, là, ça faisait 2 mois que j'étais ouvert, là. Ouais, oui, non. Je pense aussi qu'il y a le fait que, tu sais, oui, on enregistre des podcasts entre nous autres parce qu'on a du fun, puis c'est vraiment nos petites soirées entre gang, mais un coup, le produit est fini, on pense au public qui va l'écouter, puis là, on réécoute l'épisode, puis on veut tellement que le public soit quand même satisfait, tu sais, malgré que c'est gratuit, que. Je me dis, je veux que l'épisode soit bon. C'est un strict minimum. Je veux que l'épisode soit bon. Oui, tu sais, avoir du fun en gang et produire quelque chose de le fun aussi. Parce que c'est bien beau de triper en gang. Il y en a qui vont nous écouter qui vont faire comme, c'est qu'ils sont dans le trip. Moi, j'embarque pas en tout. Ouais. Et quand ça arrive souvent dans les podcasts. Ça m'est arrivé encore cette semaine. On n'en parlera pas, on n'aimera personne. Oui, je comprends ce que tu veux dire. De ne pas sentir être inclus. Puis, mais je pense qu'au contraire, on fait super attention à ça pour plein de raisons différentes. La première, on se coupe pas trop souvent la parole, puis on laisse les gens finir l'idée. Moi, ce que j'ai mis le focus, c'est de répéter les types de films, parce que je sens qu'on inclut le spectateur, l'auditeur, en répétant le type de film, parce qu'on sait jamais où ce qui est rendu dans son écoute. Mais non, au contraire, je pense que le respect qu'on a, les quatre ensemble, fait en sorte que les gens se sentent inclus. Parce qu'on se coupe pas. Autour d'une table à boire un verre toute la gang ensemble, tu sais. Non, c'est pas... On n'est pas le petit... la petite table ronde où ce que tu sais, t'es spectateur, puis tu fais comme ben coudonc. Je sais pas, c'est pas moi. Surtout avec des insides, avec des insides que tu comprends juste pas. C'est comme, ben, j'aimerais bien rire avec vous, mais je comprends pas. Ça en prend quand même des fois des podcasts. J'ai eu souvent du monde qui m'ont dit, ouais, il y a des podcasts talents, il y a des insides, puis tout ça. Je pense que les insides, c'est quand même quelque chose de cool. Faut les doser, mais c'est quelque chose de cool qui fait en sorte que l'auditeur régulier se sent comme. C'est comme un petit clin d'œil à l'auditeur régulier qui fait comme, oh, moi je l'ai catché. Mais tu sais, faut pas que l'autre fasse comme. Ça fait 5 minutes qu'il parle de quelque chose que je comprends pas, tu sais. Mais peut-être prendre des insides aussi qui sont inclus dans l'épisode. Tu sais, mettons, on sort plug avec une niaiserie ou de quoi qu'on a dit. Je pense que c'est les meilleurs insides qu'on peut faire puisque l'auditeur va se rappeler de l'épisode en question. Mais tu sais, si on fait des jokes de boissons avec Vicky ou de toi de collection ou de GF de musical, tu sais. Tu sais, oui, peut-être que dans l'épisode, si on n'a pas de mention que GF écoute des musicals, tu sais, ça va prendre 2 épisodes, puis c'est sûr certain que le monde va commencer à faire « Ok, GF, il écoute des musicals, tu sais, bon, je vais le catcher. » Ah, Vicky a boit, oui, j'ai compris. Mais... Avant que l'épisode, elle a plus de mâchoire inférieure. Tu sais, c'est ça le début de l'épisode. Pourquoi Vicky, elle boit? Ah oui, Vicky boit beaucoup. Mais c'est ça. Moi, ça fait comme 4 ans que je suis sur Horror Gamer, 3 ans et demi, 4 ans. Puis avec le bras de fer des films qui a duré 3 ans aussi, je continue à être très autocritique. T'sais, quand je m'écoutais, c'était comme. J'haïs ma façon de parler des fois qui est comme. J'oublie des fois de vous parler à vous autres, puis je parle au public. En fait, je vais dire, OK, là, je présente mon film. C'est comme, oui, donc ce soir, on écoute, puis je vais parler super bien avec mon bon français, puis tout. Puis après ça, le reste de l'épisode, je vais vous laisser parler, je vais prendre ma bière, puis des fois, je vais faire des commentaires qui sont très. Ouais, ça n'a pas d'allure, rien, puis je vais parler en plus en québécois. C'est comme mon changement d'accent, des fois, mon changement de ton qui est comme. J'ai encore des misères à travailler avec ça. Puis je me sens pas naturel, je me sens pas comme je parle avec ma blonde à tous les jours. J'ai de la misère à faire le... C'est ça. Ben, je trouve ça cool. Okay? Je veux qu'on le dise vite. Là. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas quand on se réécoute. Je suis sûr. Vicky, il y a sûrement quelque chose que tu n'aimes pas quand tu te réécoutes. Mon son. Ton son? Ah non, mais ma connexion Internet puis mon son. Moi, je suis trop narcissique pour trouver de quoi chez moi. Bon, mais écoute. Steven? Ce que je viens de faire là. Ouais? Des fois, j'aime ça quand je commence à critiquer puis à juste avoir mon élan puis ça va bien. Puis il y a des moments où que je cherche mes mots puis je fais un les mots dits à longueur, je suis pas capable. J'essaie de travailler là-dessus. De mon côté, ça va un peu là-dessus, mais moi, c'est mes lapsus. Je suis un gars qui. Tu sais, là, des fois, là, je commence une phrase, je fais comme, ah, Steve, c'est que je m'envoie cette phrase-là, puis là, la phrase est en train de se faire, puis là, je fais comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, puis là, lapsus incroyable, phrase qui mène nulle part, je m'en fais. Le court-métrage de 2h30. Le court-métrage de 2h30, ouais, c'est ça, tu sais, des trucs dans le même, là, ce que je fais, ah, shit, c'est que je suis pas comprenable, des fois, là. Fait que là, ça me gosse, hein. Il y a des fois tu sais qu'on fait les tours les tours de critique puis là tu te prépares tu dis OK Seb va me nommer en dernier puis là dans ma tête je me fais ma structure de critique je suis comme OK c'était écœurant, je suis préparé là t'es comme Steven puis là je pars puis j'ai l'impression que ma structure elle existe plus puis là je suis comme oh je suis en train de me fourrer je suis rendu dans un autre chemin puis ça marche plus là après on écoute l'épisode puis on fait comme pourquoi j'ai pas dit ça ah, si j'ai pas parlé de ça Carlis voyons je voulais dire ça c'est vrai par exemple quand tu fais comme fuck l'épisode est passé puis il me semble qu'il y a un point que j'ai pas voulu dire ou parfois tu sais on se dit ok on va en parler plus tard puis finalement plus tard arrive jamais ça gosse. Mais c'est mon côté trivia des fois qui peut être tu sais je vais couper la parole pour sortir un trivia qui a pas rapport des fois je m'écoute puis je vais faire oh, c'était pas nécessaire puis c'était vraiment pas nécessaire puis tu sais donc il y a mon côté aussi un petit peu snob sur le français que là tu viens de dire Sébastien comprenable moi j'ai un flag dans ma tête qui fait compréhensible. Reprends-moi une fois, toi! Reprends-moi une fois! Non, mais c'est ça, tu sais. Mais moi, je me reprends, puis tu sais, après ça, je m'écoute. Regarde, tu sais, c'est trop bien parler, là, ta gueule. Là. mais quand j'écoute des podcasts, puis le monde, c'est comme, ouais, ça l'avait. Il y a quand même. Ah. Ouais. Ta gueule, il n'y a pas de L apostrophe, là. Mais là, la première fois que je vais rencontrer Jeff, finalement, il sac comme un chartier, puis. Il y a une patate chaude dans la bouche, puis. Ouais. Ah, c'est Vicky! Hey! Ça, c'est... Jeff, on est prêt à enregistrer, il va être dans la salle de bain en train de faire des vocalises. La la la la la patate, steak de l'aide d'une patate. c'est ton mantra, ça, avant le show. Mets son micro à off avant qu'on enregistre steak de l'aide d'une patate. Ouais, c'est ça. Oh, God. OK, prochaine question, les amis. Non. C'est une question que GF devra poser à quelqu'un. Et voici la question. Un film que tu as vu enfant et qui a marqué ta vie? Ah, faut que t'en poses à quelqu'un. Oui, non, je comprends. Je cherche. J'ai déjà éliminé quelqu'un dans ma tête, là, mais... Ben, la dernière personne qui a répondu, c'est Seb, ça va être Steven. Parce que j'ai éliminé Vicky parce qu'elle trippait trop sur Evil Dead quand elle était jeune. Fait que... C'est trop évident. Ouais. C'est trop évident. Je pourrais dire Evil Dead, mais Child's Play. Child's Play, c'est vraiment le film qui a déclenché mon amour pour l'horreur. Mais tu l'as dit. C'est un film qui m'a traumatisé sur plusieurs aspects, dont les. Je le dis pas suffisamment, mais les cheveux roux rouges de Chucky. J'en ai fait des cauchemars. Chucky qui monte l'escalier puis je vois juste la touffe de cheveux avec son couteau qui s'en aime poignardé. Oh my God! J'imagine si Scott avait été roux. Si ma blonde, elle avait acheté le costume de Chucky avec les cheveux roux de Scott pour lui mettre. Je pense pas l'Halloween avec lui, c'est sûr et certain. Ah, c'est drôle. Hey, méchante révélation, je t'amène. T'aurais pu t'habiller en Andy après ça. Andy, oui. Ben, savais-tu. On vogue comme ça là, sur des questions. Il y a des trucs que vous me faites penser. Là. Tu me fais penser à Chucky qui monte les marches. Tout ça, c'est ton cauchemar d'enfance. Vous en avez-tu des cauchemars d'enfance par rapport à des films d'horreur que vous avez vus? Parce qu'on... Non, Vicky? Ben, non. Moi, j'ai vu Le Loup-garou de Londres vraiment trop jeune, vers l'âge de 5-6 ans. J'ai aucune idée dans quelles circonstances. C'était... ouais, c'est ça. J'ai vu Le Loup-garou de Londres, puis je me rappelle avoir... vu la face de loup-garou, puis la face du gars qui commence à se transformer, tu sais, puis la fameuse scène de transformation me marque encore de nos jours, mais quand j'étais jeune, c'était vraiment 10 fois pire, là, tu sais, quand j'étais tout petit. Puis Thriller de Michael Jackson m'avait beaucoup marqué, puis j'ai vu ça aussi à 5-6 ans, tu sais, quand ça a sorti. Mais de point à faire un cauchemar de ça? Écoute, moi, je suis content que les gens aient oublié ça parce qu'on avait fait un épisode avec Pierre. Puis une de ses questions, tu sais, j'ignore si vous vous en rappelez, mais il posait des questions dès le début d'épisode. Ouais. Puis c'était ça, un cauchemar qui vous a traumatisé à cause d'un film. Et j'avais mentionné Henry et les Henderson parce que j'avais un toutou avec les yeux rouges. Et je me suis fait niaiser pendant 10 minutes dans l'épisode. Puis là, il y a Chantal qui s'est incrustée, qui riait de ma gueule. Puis un des épisodes les plus malaisants pour moi, je n'aimais pas ça. Puis là, je le ramène, mais c'est ça. Moi, je vais vous dire, c'est épouvantable comme cauchemar, là. C'est vraiment épouvantable. Moi, celui qui me faisait le plus freaker, c'était Freddy. Tu sais, j'avais même pas vu un film, je faisais juste voir la pochette, puis j'avais peur, là, les mains avec les griffes, puis tout ça. Puis, cauchemar de freak, mon grand-père, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, là. Mon grand-père venait de mourir. Là. Puis, une semaine après, dans mon lit, tu sais, tu penses que tu rêves pas, finalement, tu es en train de rêver. Puis, j'entends mon grand-père me parler. Comme du couloir de ma chambre, qui mène vers ma chambre, puis qui fait juste me dire « Sébastien, je m'en viens. » Puis j'étais comme « Hey, grand-papa, tu t'en viens? » »« Oui, je m'en viens. » Puis tout ce que je vois dépasser du cadre de porte, c'est la main de Freddy. Oh! Ah, c'est que c'était fréquent. J'ai encore des frissons. C'est le pire cauchemar que j'ai fait de ma vie. Puis là, t'es comme « Mais c'est deux choses que tu veux pas mélanger. Là. Ton grand-père qui vient de mourir, puis Freddy. » Là, t'es comme « Shit! » Puis c'était carrément quand après ça t'écoutes les films, tu fais comme, est-ce que c'est ça, tu sais, Freddy, ça serait déguisé en mon grand-père, puis après ça, il m'aurait surpris, là, tu sais, là. Est-ce que c'était free? Mais j'ai peut-être déjà rêvé au vieux bonhomme dans Poltergeist 2, là, qui me faisait vraiment freaker. Ah ouais, hein? Ouais. Oh, tu m'avais déjà raconté que t'avais rêvé au film The Wiz, puis là, Michael Jackson s'en venait vers toi, puis t'aimais pas la chanson. Ouais, puis... non. Ouais, non, c'est pas ça. Je pense que c'est toi qui as fait des cauchemars. Ouais. Ben, tu vois, on a Caroline sur le chat qui dit Zelda dans Pet Sematary qui l'a beaucoup traumatisé. Oui. On a elle parle de Freddy aussi. Ouais. Véronique a dit les radios à cause de Christine. Eh ben. Ah ouais. C'est bizarre. Mais non, pour vrai, le seul rêve que je me souviens de mon enfant, j'étais pris dans un labyrinthe avec la princesse astronaute. Tabarnouche, c'est pas vraiment sale, ça. Non, mais Véronique, à pas tort, pareil, parce que toutes les fois que Christine est proche ou vient attaquer quelqu'un, t'entends une musique des années 50, mm-hmm. fait que c'est un peu relié à la radio, là. Sacco Gramoul qui dit « Le téléfilm David, le jeune brûlé par son père. Gros traumatisme à l'âge de 4 ans. » Ça me dit rien. Non. Ouais, Caroline, il est dans son lit. Je pense qu'il est dans son lit et son père met au feu dans son lit. Okay, ça me dit vaguement quelque chose. Envoie un lien, je vais aller voir. Mais je pense que c'est ça. Il est dans son lit et son père crisse le feu au lit. Ça, puis il y avait un téléfilm Histoire vraie où c'est un homme qui bat sa femme. Puis avant la juste avant la fin du film, il saute à deux pieds joints sur la tête de sa femme. Mmh. Tout ça m'avait marqué. Ouais, c'est ça, tout, c'est... Hein? Ça, c'est fort. J'ai retrouvé... Mais tu sais, j'ai vu dernièrement, là, parce que je pense qu'on avait parlé d'un épisode ou quoi le même. Là. Okay, c'est comme non, un truc vrai. Ça m'a peut-être traumatisé, c'est ça. C'est moi qui en ai parlé, je pense. Ouais, je pense que c'est toi qui en as parlé. Ouais. Il y a souvent des téléfilms d'horreur obscurs qui nous ont marqué quand on était jeunes, mais qui n'ont pas eu de sortie DVD. Fait que ça sonne un petit peu dans l'oubli. Là, ouais. C'est dommage. Exact. D'accord, fait qu'on passe à autre chose. Ouais. On passe à autre chose. C'est année. Oh, tu finis. Non. bon, ben c'est GF. Ça veut encore que ce soit GF. Tout le temps GF. Ça, c'était la même question. Ok. Tu vas poser la question suivante à quelqu'un, GF. Un film que vous n'avez jamais été capable de finir. Vicky. Un film que j'ai jamais été capable de finir. Il y en a beaucoup. Il y en a pas un dans les 31 jours d'horreur que j'ai dit justement que je voulais pas finir. Il y en a tellement. Il y en a un, Loup-garou, que j'ai vu sur Tubi. Ça commence avec. Il y en a plein finalement. Non, mettons un grand. Un non, film ouais, classique. Ou pas une marde. Pas une marde. Ok, un classique que j'ai jamais été capable de finir. Ben, Princesse Mononoke. Lâche-la, la princesse, elle t'a rien fait. Tabarnak, je suis pas capable de ce film-là. Oh. Sinon, ben, il y a le film d'animation, là, apocalyptique, qu'on a écouté. When the Wind Blows. Ouais, j'ai jamais fini, j'aurais aimé ça, mais ça a jamais donné. Puis je pense pas le recommencer, puis je sais pas pourquoi. Je sais pas. On dirait quelque chose que t'as jamais fini parce que t'aimais vraiment pas ça, ben là tu dis que t'aurais aimé ça le finir, mais ouais, mais je le recommencerai pas. On dirait que il va être trop lourd, il va être trop long, mais vite demain. Rien que t'as fait comme moi j'ai fait avec Thirst, j'ai fait non, moi je finis pas ça, j'haïs ça. Ouais, mais pas qu'il me vienne à l'esprit, mais c'est sûr que c'est la conversation. C'est facile, c'est... là, si tu mets Mario Van Peebles d'un film. Mais tu l'as fini, Full Eclipse, non? Ouais, tu l'as fini. Écoute, peut-être, je sais pas. Ah, je sais plus, tu l'avais-tu fini ou pas? Non, je pense qu'à Mandy, j'ai comme pété ma coche. Je filais tellement pas ce journée-là. Là. C'est une journée d'angoisse. On a écouté des... Human 3, je l'ai pas fini. J'ai pas dit avant. On a écouté des affaires pires qu'Eclipse Total, Seb. Je sais bien. Fini ça, là. Je sais bien. Non, écoute, c'était vraiment pas une bonne période dans ma vie, à ce moment-là. Et Human Centipede 3, Vicky? Ah, Human Centipede 3 durant les 31 jours d'horreur, celui-là, il m'a achevé pas mal, ouais. Puis en plus, c'était même pas le bon genre, tabarnak, que j'étais pas chanceuse avec ce film-là. Il sort la Louvre des SS. Ouais, ben c'est ça, genre. Puis Jaws, ça, c'est grâce à Dabdon. J'ai jamais fini un Jaws. Jamais le rebelle. Ça me manque. Même le premier? Même le premier. Oui, rebelle. Ça, s'il te plaît. Bon, je trouve que ça, c'est une bonne réponse. Ouais, mm-hmm. Jaws, on va y aller. Réponse finale! Tu sais, ben, en tout cas. À part les films d'horreur, là, je me rappelle d'un film que j'ai pas fini. Puis, tu sais, j'étais jeune, j'étais au début de la vingtaine, au début des années 2000, j'avais 22, 23 ans, puis j'étais vraiment, tu sais, très geek de cinéma, puis il fallait que je finisse mes films, j'écoute d'un générique à l'autre, tu sais. Puis, mais il y en a un film que j'avais alloué, j'ai pas fini, puis pendant des années, ça a été quasiment un des rares films que j'avais pas fini, puis j'étais comme. J'avais tout le temps une petite. Pas une honte, mais tu sais, je me rappelais que lui, je l'avais pas fini. Je l'ai toujours jamais fini, là. C'est le film de Dragon avec Christian Bale que j'ai jamais vu, là. Mais que c'est ça qui avait. J'ai commencé. J'ai fait. Ah, okay, c'est que c'est mauvais, cette affaire-là. Moi, c'est Draco, le dernier des dragons. Draco, le dernier dragon. Je broyais à la fin. Oui, tu peux pas finir Draco, le dernier des dragons. Ring on Fire, c'est quoi. Là, je l'ai déjà vu, mais ça m'a pas. C'est correct. J'ai essayé ça. Sans plus, là. Vraiment sans plus. Puis à cette heure, je me suis, tu sais, j'ai pas mal ramolli là-dessus. Si je finis pas un film, ça me dérange pas. Mais à cette époque-là, ça me dérangeait de pas le finir. Puis pendant des années, ça m'a dérangé. À un moment donné, j'ai comme laissé faire. Regarde, je le finirai jamais, là, mais... Mais il y a Suspiria que j'ai jamais écouté avec du ton ou presque. Ça peut peut-être compter. j'ai pigé la prochaine question. Vicky. Oh, OK. C'est toi qui vas la poser à quelqu'un. Donc, nomme un film que tu aimes, mais que tu as honte d'aimer. Ah, Steven, t'en as tellement, toi, ça va être long. Je voudrais 5 choix, non. Go! OK, mais non, gars, je vais être bien honnête. Ça s'applique très mal à moi parce que j'assume ce que j'aime. Il n'y a rien vraiment que j'ai honte. Mais s'il faut vraiment que j'aille dans les films qui sont vraiment détestés... Difficile à défendre, c'est ça. Difficile à défendre, j'irai avec Jason X. J'ai aucune bonne raison de défendre Jason X ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai du fun inconsciemment avec ce volet-là. Puis pourtant, c'est pas parce que je suis juste un gros fan de Friday the 13th. J'aime pas Jason Goes to Hell. C'est un volet que je suis pas capable. Mais Jason X, je sais pas, la pilule passe parce que j'ai l'impression que c'est tellement con. Puis on dirait que, je sais pas, l'équipe a l'air de savoir que c'est con. Tu sais, qu'est-ce qui est rendu que tu fais une scène avec un robot que ses épaules tombent à terre? Je me dis que l'équipe derrière le film sont conscients que c'est stupide, là. Fait que rendu là, je suis capable d'avoir du fun. C'est une grosse série Z, là, c'est tout. Là. c'est, je me souvenais pas de la scène des épaules. C'est une phrase que j'ai pas inventée, mais tu sais, moi, j'aime bien dire j'ai pas de plaisir coupable. Tu sais, j'ai juste du plaisir. Puis. Bon, moi, Jason X, j'ai adoré ça dès la première fois que je l'ai vu, je l'ai toujours aimé. Puis c'est ça, moi, des films de même, amenez-en, ça me dérange pas. Tu sais, j'ai des goûts très durs à cerner, puis moi-même, j'ai de la misère à cerner pourquoi j'aime pas telle affaire, pourquoi je finis pas telle affaire, puis j'adore telle affaire, mais c'est ça, tu sais. Il y a pas de honte à avoir d'aimer un film ou de pas l'aimer, ou t'aimes ce que t'aimes, puis t'aimes pas ce que t'aimes pas. Mais des fois, tu vas le dire, puis tu vas tellement te faire regarder qu'il faut que tu pédales pour justifier. Ouais, mais au pire. Fais-toi une carapace, puis fous-toi de ce que le monde pense. C'est ça, je suis rendu dans une passe où je m'en fous. Tu sais, je veux dire, j'aime 80% du catalogue des films de la Canon. C'est une des compagnies les plus mal vues avec des mauvais films à tout bout de champ. Je veux dire, rendu là, je l'assume, puis c'est juste, j'aime ça. Puis c'est juste ça. Mais, Crime, dis comme ça, Sébastien, je te regarde, là, puis t'as l'air d'avoir un film. Non, vraiment pas. Non? T'as pas de David de Coteau? Non. Non, mais non, moi aussi, j'assume énormément ce que j'écoute, là, tu sais, puis j'assume énormément ce que j'aime. Tu sais, je suis... Dans l'horreur, je pense pas que j'ai de films... Mais, tu sais, puis je vais dire honte, là, c'est encore une fois, là, c'est des films que tu vas dire que t'aimes, puis que le monde va faire comme... Ah ouais, t'aimes ça, tu sais. Mais dans l'horreur, il y a rien, là, tu sais, je vais être plus dans le... Je suis un peu quétaine dans mon... Dans ma comédie ou dans mon petit film romantique, puis tout ça, là, dans mon film sentimental, tu sais... Ah ben même des fois dans mes films pour enfance, tu sais, un des films que je sais qu'à toutes les fois que j'en parle, le monde, tu sais, je le vois souvent popper comme un film de merde, mais c'est Toys avec Robin Williams, tu sais, que tout le monde a eu ce film-là, puis moi j'adore Toys avec Robin Williams, mais tu sais, mais moi c'est plus dans la musique que, tu sais, qu'il faut que je justifie mes goûts, là, tu sais. Tu sais, quand le monde se rend compte que j'ai la collection quasiment complète des CD d'Enya, là, ils font comme, t'écoutes Enya, toi? Là, je fais comme, ouais, j'ai tout, tu sais. T'écoutes vraiment Enya? Ouais. Pis t'as jamais plugué une toune d'Enya pour aucun mais show? Non, pourquoi est-ce que je voudrais plugger une toune d'Enya si je suis tout seul à aimer ça? Hey, je me rappelle, un moment donné, j'étais dans un resto, pis là, il s'est mis à jouer le best-of d'Enya. Pis là, je disais à ma blonde, je fais comme, oh là, c'est le best-of d'Enya, je trippe. Pis là, t'es comme, tu me le diras quand tu changes de toune, parce qu'elle dit, tu me le diras quand tu changes de toune, parce que j'ai toujours l'impression que c'est la même. Toi, Navi, qui est là, fucké Enya. Qu'est-ce qui se passe à soi? J'apprends des sketch, choses. C'est comme dans le sketch de boutique New Age de Pérus, là. Il change la toune, mais ça arrive. Ouais, pour ma blonde, c'est exactement ça. Tu sais, regarde, là, encore à cet automne, là, tu sais, je suis allé voir Chris DeBerg avec mes parents, tu sais. Moi, c'est vraiment, c'est côté musique, faut que je me justifie. Côté cinéma, je suis correct. Non, mais c'est ça, faut pas avoir peur des miscons. Non, miscons. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Juste une vieille vie, ouais, mais ce qu'on aime, là. Mais c'est quelque chose qu'on vit beaucoup quand on est jeune, je pense. Oui. En vieillissant, ça disparaît tellement. Parce que maintenant, tu fais comme, garde, si t'es pas capable de respecter mes goûts, là, j'en ai tellement rien à cirer de ce que tu penses, tu sais. T'es pas quelqu'un qui vaut la peine. Tu sais, le petit film de zombies qui avait sorti après la petite vague Twilight, One Body, qui vaguait un peu là-dessus. Tu sais, le monde disait, OK, c'est le film de zombies pour les films de Twilight. Mais c'est ça, j'ai adoré ce film-là. Ça m'a juste surpris. J'avais beaucoup aimé. Puis je le défendais sans aucun problème. Mais tu sais, tu voyais que même ceux dans l'horreur qui avaient aimé un peu osaient même pas le dire. Mais c'est comme... ça que je veux dire. T'sais, One Body, c'est un exemple de film que moi, j'aime vraiment pas. Je respecte la personne qui l'aime devant moi, mais je suis comme, oh my God, que j'aime pas ça. Fait que, tu sais, oui, la personne qui me dit, ça, c'est un guilty pleasure pour moi. T'sais, c'est un plaisir coupable dans le sens où, tu sais, ça n'a pas été un film d'une grande renommée. Ça a été un film plus facile à bâcher qu'à apprécier. T'sais. Ça vient peut-être, moi, de mon côté. Tu sais, j'aime les musicals, puis j'ai eu l'impression d'avoir été bizarre toute ma vie à cause de ça, face à mes chums de gars. Mais ça, puis ça rentre peut-être dans la toxic masculinity, mais tu sais, le côté un peu macho de hey, il faut que t'aimes telle affaire ou que t'aimes pas telle affaire, sinon t'es pas cool. Tu sais, moi, ça me touche plus pas en tout là, à l'âge que je suis rendu. Mm-hmm. C'est comme, moi, je vais aimer ce que j'aime. J'écoute encore les New Kids on the Block, OK? Puis j'ai du fun, puis je m'en calisse de ce que le monde pense, de ce que de mes goûts qui sont bizarres, là, tu sais. Mais c'est parce que j'ai été obligé de me créer une carapace par rapport à ça aussi. Pas je me suis fait attaquer. J'ai chanceux dans la vie. J'ai pas eu de bullying ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de problème. Mais c'est juste le feeling que j'avais en vieillissant. C'est comme, OK, mes goûts ne foutent pas que ceux du monde, le reste du monde. Puis je peux avoir l'air bizarre aux yeux de mes propres meilleurs amis. T'sais. Mais c'est pas grave. Je vais continuer. Mais c'est pareil. Pourquoi j'aimerais pas ça? À cause que le monde dise que c'est pas cool. C'est comme. Véro, Session 9, tu peux avoir honte de l'aimer. non. Puis moi, ben, j'aime Jason. Jason à Manhattan. Mais tu sais, moi, regarde, t'sais, j'assume mes goûts musicaux et tout ça. C'est juste que, tu sais, rendu dans le char, ben, quand ma blonde a dit je vais me coucher, tu sais, genre, on fait une longue route, puis elle dort, elle fait comme tu peux mettre ta musique. Là, j'ai la musique, puis je suis comme yeah! Puis elle se réveille, puis je suis comme ok, on va le changer. Ben, j'ai mes affaires que ma blonde aime pas non plus. Comme mes deux posters de Marillion, elle déteste Marillion. Fait que c'est pas. T'sais, je veux dire, j'écoute juste ça dans mon sous-sol. Là, fait que, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est ça. Maintenant, t'sais, si quelqu'un te bloque pour tes goûts, c'est pas une bonne personne. Non, mais t'sais, c'est juste d'avoir un goût à contre-courant, faut quand même le savoir. Là. Ouais. Ma blonde tripe sur Tori Amos. Je suis pas un fan de Tori Amos. Fait que tant pis. Mais c'est ça. J'aime beaucoup un des seuls CD que j'ai d'elle. Je l'aime beaucoup. On va passer à une autre question que je viens de piger, mais c'est une question pour tout le monde. C'est Anita Bello qui nous avait demandé, avec tous les films d'horreur que vous avez vus, est-ce qu'il vous arrive encore d'avoir peur, mais vraiment peur, en regardant un nouveau film d'horreur? Si oui, dites-moi quel film d'horreur vous a vraiment fait peur, parce que moi, il n'y en a pas beaucoup. Fuck que oui. Ben oui. C'est relatif en salle. Je veux dire, peu importe les films qu'on va nommer ce soir, ça veut aucunement dire qu'Anita va avoir peur avec ces films-là. Ben oui, ça. Je veux dire, on commencera pas à faire une liste puis dire comme après ça, voici, c'est des valeurs sûres. Ça existe pas. Il n'y a pas de valeurs sûres en horreur. J'ai écrit à Steven dernièrement, Ouija 2 m'a foutu la chienne. Les 45 premières minutes, je dirais, pour quand même être franche puis pas pouvoir dénigrer le film, mais la fin m'a ramené. Mais les 45 premières minutes, là, je m'en rendais pas compte, puis j'avais mis ma couverte comme ça, là, devant mon visage, là, vraiment comme jusqu'à mes yeux. Et je la tenais comme ça, là, tu sais, les poings fermés sur la couverte, mais je m'en rendais pas compte et je serrais de plus en plus fort. Et après 45 minutes, un an, j'avais moins peur. Et c'est là que je me suis rendu compte en relâchant et j'avais mal aux avant-bras tellement j'avais tenu ma couverte devant mon visage ultra fort. J'étais dans mon salon, dans le noir, tout seul. Tu sais, t'as l'impression qu'il y en a qui peuvent sortir de nulle part. Là. Ah ouais, Ouija 2, là. Dernièrement, Ouija 2, tout seul dans le noir, là. J'ai eu la chienne de ma vie. Pendant les 31 jours d'horreur, Autopsy of Jane Doe, là, il m'a vraiment abîmé sur le bout de mon siège, tu sais. Ouais. Tu sais, mais... Puis, j'aimerais ça que tu parles de ta position, Vicky, mais vous rendez-vous compte que vous avez une position des fois quand vous avez vraiment peur d'un film d'horreur? Avez-vous... Plus ou moins. Moi, je me renfonce dans mon divan. On dirait que je me pousse jusqu'à temps que je sois enveloppé par mes coussins. Moi, je vais mettre ma main proche de mon visage au cas où pour voir. Je veux pas nécessairement voir ça. Ouais, mettons, j'étais au cinéma, là, j'écoute le film là, avec la main un peu en éventail parce que je peux fermer les doigts à tout moment. Moi, j'ai la mauvaise habitude d'arrêter de respirer. Fait que quand il y a un moment de suspense qui arrive, j'arrête de respirer, mais c'est parce que je me retiens jusqu'à temps que le jumpscare arrive, puis des fois c'est long, fait que je deviens mauve, puis je suis comme, ok, je vais respirer là. Ah ben des fois, tu sais, quand c'est un film à jumpscare là, là je me mets les pouces proches des oreilles là, parce que je fais comme, je veux pas entendre le. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense que. Je parlais tantôt d'abandon, puis je pense que c'est le même pour tout le monde, là, tu sais. Ouais. Si on se met encore justement à dire, ah, bon, ben, ça va être un film de fantôme, là, fait que là, je connais les codes des films de fantôme, ben, c'est sûr, tu vas, t'aimeras pas ça, puis, tu sais, est-ce qu'il faut faire son tough devant un film d'horreur, tu sais? Tu sais, c'est-tu brave non. De dire comme, moi, je peux. Non, mais. Ça va te donner quoi, tu sais, d'arriver, tu sais, à la fin du film, de te lever dans la salle de cinéma et dire, moi, j'ai pas fait de saut, moi. Gagne un pissou. Mais tu vois, il y en a qui écrivent des commentaires, puis ils se vendent, c'est comme, ben, moi, j'ai été le voir le film, puis j'ai aucunement eu peur, puis c'est comme, ok, bravo, mais je veux dire, quand je vais voir un film d'horreur, je veux avoir peur. Je veux dire, c'est le fun d'avoir peur, on va là pour ben ça. Oui, hein. Tu sais, j'ai été voir Annabelle 2 au cinéma. Je me doutais que ça serait une formule un peu ramassée qu'on a déjà vue, mais dans ma tête, je me dis, si le réalisateur est suffisamment talentueux pour faire des bonnes scènes, mais je vais embarquer, puis c'est ça qui est arrivé. T'sais, c'est un film qui a fonctionné sur moi pendant une heure et demie, 2 heures, puis j'étais satisfait en sortant de la salle. T'sais, j'ai pas fait « Ah, moi, j'ai pas eu peur de se toupée, fais rien. » Mais non. Moi, je dirais... Je sais ce qui me fait peur, puis je sais ce qui me fait plus peur. Puis quand ce qui me fait pas peur intervient, je peux décrocher. Par exemple, sans nommer de film, à part Dead Snow, j'accepte Dead Snow, les nazis. L'intervention des nazis, à peu importe le niveau, si on n'est pas dans un drame, on parle d'un film d'horreur, là, fait que là, t'as un fantôme nazi, t'as un si nazi. Ça me fait plus peur. Pour des raisons politiques, j'ai l'impression que c'est comme une porte de sortie facile. Ah, finalement, c'est un nazi. Ok, mais encore. C'est arrivé par exemple dans la série The Strain. The Strain, ouais. J'avais écrit je sais pas quelle série écouter entre telle et telle. Puis là, finalement, genre 2 jours plus tard, j'ai fait tabarnak des nazis. Puis un de mes amis a fait finalement t'as écouté The Strain. Tu sais, okay. C'est que. Tu sais, c'est une histoire d'espèce de vampire mythique millénaire. Mais genre, à moitié de la saison 1, on fait intervenir des nazis là-dedans. Là, t'es comme, ah, pour vrai, des nazis, là, tu sais, c'était si nécessaire. Tu sais, ça devient un raccourci, puis en même temps, moi, pour des raisons politiques, je me dis juste comme, j'ai l'impression que ceux qui écrivent ça, ben, ils prennent un raccourci en disant, je pourrais mettre n'importe quel autre régime, mais les gens connaissent juste le régime nazi, fait que je vais avec celle-là. Je vais t'expliquer, c'est Del Toro qui a écrit The Strain, qui a écrit la série de The Strain, puis quand tu écoutes Labyrinthe de Pan, ou quand tu écoutes Devil's Backbone, tu te rends compte que les régimes oppresseurs dans l'histoire, oui. c'est quelque c'est chose qui est là. C'est ça, c'est intéressant. Mais moi, j'adore Labyrinthe de Pan parce que c'est pas des nazis. Ouais. Ça que je veux dire. Dans le sens où il y en a eu d'autres régimes fascistes. Puis quand tu me prends les nazis, pour moi, personnellement, c'est que j'ai l'impression que tu ne connais pas les régimes fascistes ou tu as peur que tes gens qui t'écoutent, tes spectateurs, ne connaissent pas les autres régimes fascistes. Fait que tu vas prendre le plus facile puis le plus reconnu parce que c'est une porte facile qui ne pose pas de questions. Oh, c'est un docteur nazi. Ouais, tu vois, moi, j'ai l'impression que Del Toro, il a fait comme « Hey, j'en ai fait pas mal, j'ai jamais fait les nazis. On va faire les nazis. » Ça reste une chicane, tu sais, il aurait pu... Je sais pas. Non, je suis d'accord que la Deuxième Guerre mondiale, on a pas mal fait le tour. Là, les méchants nazis, on les a vus. Là. C'est ça. T'sais, je pense qu'il y a plein d'autres manières. J'ai vu d'autres films dernièrement dont je veux pas les nommer parce que ça dévoile un peu des spoilers aussi. On est encore capable d'en parler, puis on est encore capable d'en parler différemment. Ça, je suis d'accord. Mais moi, c'est quand qu'on arrive à un certain moment dans un film, dans une série, puis on fait intervenir des nazis, peu importe le niveau, je me dis comme. Non, mais il y en avait d'autres régimes fascistes à la même époque ou avant ou après. Tu sais, on parle pas de plein d'autres régimes fascistes, puis on s'attarde à lui. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est une porte facile. Écoute, j'ai jamais vu ça de même. Mais. Mais c'est vraiment à moi. C'est pour ça que je dis que ça, je peux comprendre que ces films-là, parfois, je vais moins les apprécier. Puis je vais faire comme. Hey, ça. Ça m'a pas fait peur, hey, ça m'a dérangé. Mais... Non, ce film-là, je rentre pas. T'sais. Pour être honnête, Vicky, Dead Snow, elle sait pas forcément de te faire peur. Non, non, mais c'est ça, c'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis que Dead Snow est vraiment une catégorie à part, parce que je pense que ça n'a même pas à voir. Là. C'est pour en rajouter, tu sais. C'est même pas à voir avec les nazis, mais tu sais, The Strain, ça aurait pu être un autre régime. Totalement, là. Totalement, là. C'est vraiment... Ça aurait pu être totalement autre chose ailleurs. Est-ce que t'as lu les livres? Non, moi, j'ai juste vu la série télé. OK. Parce que je pense que dans les livres, c'est quand même assez bien expliqué de ce qu'on me dit. Fait que peut-être tu serais plus satisfaite de comment c'est amené dans les livres. Que... J'ai pas vu la série, là, je sais pas. Hey, ça remonte à loin, la série, mais c'est juste un docteur nazi qui veut devenir immortel. Tu sais, je veux dire, prends n'importe quel fou qui veut devenir immortel. OK, dans le fond, c'est Hellboy. Ah, man, Hellboy. Ouais, c'était un petit peu ça, Hellboy. Ouais. Hey, les amis, on va prendre une petite pause musicale, je pense. Juste pour se donner un petit break, aller faire un refill, aller faire un petit papy, puis revenir en force. Fait qu'on va y aller en musique. J'ai décidé d'y aller avec des tunes, je pense, qui vont faire plaisir à nos collaborateurs. Alors, pour la première chanson, on va y aller avec une chanson qui devrait faire plaisir à GF, et ça va être Sweet Travestite du Rocky Horror Picture Show. Puis on se retrouve après, puis on continue à jaser. How do you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. If you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, GF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Crunchy pour la fin. Je pense qu'il faut faire comme ça, 2-3 mois. Okay. Steven, c'est toi qui vas poser la prochaine question. OK. Donc, suivante à quelqu'un, un film que t'as marqué. Ouais, ça ressemble un peu à ce que t'as marqué, qui peut te marquer. OK. Jean-François. C'est vraiment ça qui a starté mon amour. Je dis tout le temps les mêmes réponses, mais c'est ce que je me rappelle. J'ai vu ces films-là, le trailer puis le film, puis j'étais intrigué sur le monde de l'avant, fait que j'étais joueur, tu sais. Après ça, j'ai vu des Ghostbusters, des trucs. Ça a eu cet intérêt-là pour le monde. J'ai le sens que ça a pris son envie. Je sais pas, Pet Sematary, mais ce qui m'a vraiment marqué de film d'horreur, c'est le loup-garou de Londres. Vous autres, une autre chose qui vous vient en tête? J'avais déjà nommé, c'était pas mal Jed. C'est pas mal les deux films. Mon amour pour le... Sébastien, il me semble que t'as rien dit, vas-y donc. Je sais pas. Qui va m'avoir marqué étant jeune. C'est quoi ton premier film d'horreur? C'est Night of the Tom Savini. Oui. Le premier qui m'a vraiment marqué, puis qui m'a... c'est Silver Bullet. À cause de la scène du cours d'église, là. Si vous le replacez. Il est en train de faire son homélie. L'église commence à devenir des loups-garous, puis... bon, finalement, prête le loup-garou, hein, spoiler. Mon King de Barre Bleue, puis... Dans le milieu photo du film, il y avait la photo. C'est vrai. Et là, ça me fait parce que ça me faisait vraiment peur le film. Puis je me souviens quand j'étais jeune, puis tu sais, parce que j'avais plus je vieillissais, des fois je faisais juste comme tourner les pages pour, tu sais. C'est comme le premier film. Peur, mais j'aime ça. Ouais. Est-ce que non, je pense pas. Avec Jim Espoir Green la semaine passée, puis. Bon, moi je sais pas spoiler. Ah une... oh, oui. Non, non, ouais, mais je me souviens. Ouais. Merci Seb. Ok, mais en plein milieu. Jacob, il dit dans Silver Bullet. Il est tout le temps peur à tout le monde. Il... Ben, tu sais, dans The Frightener, il est terrifiant. Dans les questions, il veut fidèle. Oui, j'ai déjà vu. Avez-vous des deux? Oui, et oui. Un thermomètre sûrement m'amené. Suppose-toi. Voilà. Hein? Ouais, c'est ça le pire. Que ça pourrait... On n'en parlera pas. J'ai une question générale à tous. Puis à Belle qui dit à quand un spin. Ben, Al Gamer, je pense pas qu'on va 2 sur 4, si c'est ça, parce que Vicky est pas là. Je peux parler de Nintendo, pas ça. J'ai que les fantômes dans Mario, tu sais, qui maison de fantômes. Un spécial, ça va être malade. Les différents. Ça tournera pas en rond, c'est cool. Contre l'idée de faire un épisode, parler de quelques jeux d'horreur, ça fait. Tu sais, au pire, on sera moi puis Steven. Ce que c'est sûr, c'est. Je parlais tantôt de faire du streaming de VR, mais moi, j'ai recommandé. Et je ne stream pas. Ceux qui connaissent pas, c'est du. C'est notre partie pendant qu'on joue Twitch. Et joue, c'est des jeux qui peuvent être un pire. Vous avez juste à suivre ma chaîne de fun regarder Twitch. C'est sur Facebook. Que tu sais, des fois, je commande sur le fun regarder. Ok, c'est sûr, je dérape là. Sébastien, avoir une chaîne à fun regarder. Là, je veux dire que j'ai juste passé, puis on dirait ce que je vais vous dire. Alors, ceux qui. C'est le fun. Les autres, en tout cas. C'était rien rentré à le péteux. Bon flag, bon compte. Tu es encore, toi? Tu n'avais pas un compte Twitch, mais j'ai déjà arrêté. J'arrêtais pas de te dire que t'étais... Arrête, tu m'encourages. C'est drôle. Pierre, sa chaîne, il... Ça fait un bout de méchant. C'est pas... Parce que quand il a quitté Horror Game, il était sur Twitch, puis je le regardais, je te ouais. Si je regarde la dernière fois, c'est... Ouf. C'est là très très longtemps. 14. Et le titre de... je veux une prochaine. Bon. Fait que c'est encore. Après ça, c'est pour justifier le gamer d'horreur. Ben, c'est ça. Il y aura peut-être un spécial. Ça vient quand même du nom de Pierre. On peut le dire. On a pensé changer. Ouais, souvent. Souvent. Puis, on lui a demandé la permission pour. Tu sais, il nous avait donné sa. Honnêtement, trouver un nom pour là, c'est difficile. Après 100 épisodes, ça devient encore plus touché. Je vais prendre ça comme. Mais ça fera en sorte que le t-shirt. Parce que oui, j'apprends le shirt officiel d'Horror Gamer, page Facebook, j'avais fait un post sur Red Bull, que ça s'appelle. Je vois de clean, oui, Rose de clean là-dessus. Vous allez figer d'Horror Gamer, des tailles, des casquettes, des robes de soirée. Mais oh, Vicky, des sacoches! Des sacoches. Donc, c'est ça. Souvent, ces sites-là, c'est fait pour puis se financer tout ça. pourcentage qu'on prend sur le prix du chandail, tu fais en sorte que le chandail coûte une pièce, on gagne une pièce, ben, on vous vend le chandail, tu prends le truc le plus bas possible. On veut pas faire une pièce que vous achetiez un t-shirt. Au moins pour vous fassiez comme, ah, et surveillez la page Facebook, sur ce site, où ce que ça va être, c'est de porter notre super beau logo, là, que vous l'affichez, de s'afficher en tant que fan d'horreur, s'afficher aussi en tant que fan d'horreur. Ouais. Puis Redbubble font, donc quand il y aura des promotions sur 20%, mais on a la page Facebook pour vous inciter, pour avoir votre petit whatever à l'effigie. Un petit segue là-dessus. Justement, comme plusieurs fois, le nom du podcast, un peu bien longtemps, de Steven, oui. Les gens de... Je me disais, au moins, ça fait sens si on fait un peu des jeux. Le cinéma d'horreur, là, pour... Marc-Antoine? T'en as pitché des noms. On en... Même qu'on faisait comme, ben écoute, ça pourrait être... Mais... Merci. Horreur péteux. Véronique a dit, je vous aurais jamais connu. Ben, peut-être. Peut-être pas. Que non. Mais peut-être que... Hey, prochaine question, gang. Je vais poser à quelqu'un. Tu peux passer une nuit entière dans l'heure, lequel tu choisis? Ouais, ok. Une nuit. Le film 13 fantômes. Pourquoi? Bon, là, c'est quoi ton passé? Ton pedigree de... Ouais, c'est backstory plus... Ben, je passerais une nuit dans... Je savais que t'allais nous décevoir là-dessus. Hey. Je sais! Ben oui, mais oh. Il est mort. Elle veut se retrouver à... Ouais, non, j'ai une rente. La maison est belle. Je connais de la fille mort. Fucking night, la salle de... Tu sais, ça a l'air cool. Je suis pas convaincu, mais... Ah, là, pour passer ta nuit dans... Oui, mais c'est ça. Là, il y a plein d'affaires dans les 13 fantômes, ouais. Tu pourrais enfin comprendre comment quelqu'un est compréhensible dans le film. Mais c'est unique des plans, là, pour faire... Ouais, oui, mais devenir... c'est ça. J'en ai mes légos, Lego. Fait qu'on va tous 13 fantômes. Tu pourrais voir si dans la vraie vie, c'est juste si dans la vraie vie, les fantômes font vraiment psychédélique. Tu sais, savoir si t'es juste. Puis, ouais, c'est là. C'est le chat qui dit « Horreur Dream ». Je pense que c'est meilleur que... C'est ça, j'ai mon temps. J'ai déjà mon. Va falloir que tu me l'as. Horror Gamer, une fois pour toutes. Écoute, ce sera juste le Running Gamer dans Horror Gamer. On va vous arriver avec d'autres jeux, moi là. On joue à ça. Clou. On va streamer des games de Clou. Qui a tué dans Clou? Gamer, la prochaine question, c'est que Steven nous dise le jeu. Il veut avoir tes impôts. J'ai beaucoup aimé ça. Écoute, le jeu de Friday the 13, science des films, et c'est Vision, et de pouvoir tuer des dizaines et des dizaines de façons qui sont sorties tout droit des films. Qu'est-ce qui est le fun? Les points positifs, je trouve que t'as pas forcément... Il y avait beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes. Je veux que prochainement, il va y avoir une campagne, une histoire, ils vont faire ça exactement. Tableau, des nouveaux personnages. Je pense que c'est juste ce pauvre film, mais globalement, moi, c'est sûr que... de campeur, c'est peut-être un bizarre passé de massacrer tout le monde, même de communiquer avec les autres, puis il faut pour essayer de te sauver de la batterie pour la faire fonctionner. Fait que tu sais, c'est quand même pour ceux qui aiment les slashers, puis qui adorent, vous allez trouver ça plate qu'un slasher genre, là. Mais moi j'ai vraiment été, c'est vraiment un jeu pour quand même bien. Il y a Dead by Daylight, il y a beaucoup dans les vilains. Ouais, ça Steven? Ça me titille un petit peu parce que j'ai vu là dernièrement tu pouvais incarner Michael Myers, vraiment inspiré de Texas Chainsaw Massacre. Beaucoup de tueurs différents. C'est un qui m'intéresse, je vais l'essayer là. Merci à quelqu'un d'avoir quelqu'un qui a acheté un chat. C'est moi, ouais. Bon. Ah, GF qui très très GF. Alors si vous voulez... hein? On voit c'est qui. Pareil que c'est moi, bâtard. Prochaine question, les la section gamer. Le nom, Esti. Oh! Positif, GF. Ok. As-tu un épisode? Seb. je buvais. Que j'adore plus que tout. D'aller de même, out of nowhere, t'as peu. Je vais juste étirer un peu. Répondre rapidement sur le beef. Ouais, qui fait beaucoup de lapsus, puis qui chose que je prenne le temps, cherche, puis. Honnêtement, je sais pas que tout. Épisode de table ronde, des tours de. J'ai aimé notre... Je m'entends quelque part. Je pense que les épisodes que j'ai fait découvrir des films, écouter sans... Je sais pas si vous êtes d'accord avec... Votre film de... Hein? Votre film de marionnette, là, voyons. Oui, Magic. Je m'entends en... Echo 2, j'aurais probablement jamais... Méchante belle surprise. C'est ça, des épisodes... Des nouveaux classiques, en tout cas. C'est ça, c'est mes préférés. C'était simple comme ça, vous autres. Ben, j'aime ton épisode qui te font découvrir la chimie. quand je trouve que ça coule vraiment bien. Des épisodes qui me reviennent vraiment en tête, il y a From Beyond que j'ai beaucoup aimé, épisode en gang, mais j'ai pas réécouté. Fait que peut-être l'épisode qu'on avait fait sur Fred Decker, épisode de GF si je me trompe. Mais j'ai, je sais pas, un bon souvenir de cet épisode. On avait eu, ouais. On avait eu du fun. Vicky, toi, il y en a-tu un qui te parle? Moi aussi, j'en ai un, puis que j'en ai... Mais c'est un... Sur les choses comme ça, ça ouais. Les deux films ouais. Tellement drôles. Je me souviens même pas des films que j'ai dans ma playlist régulière. L'épisode, c'est pas le premier, ça. Je sais que c'est le premier épisode que j'ai écouté vous autres, puis le dernier des... Des podcasts? Non, non dans le temps, dans le temps. Puis je peux pas différencier là, je peux pas différencier les deux podcasts. C'était 3 ou 4, ça fait que je ne savais pas qui était qui. J'avais vraiment trippé. J'ai envie de vous écouter cet épisode-là, puis c'est ça qui est sur les marins, le fond marin. L'épisode, il s'appelait Horreur marine et de Shockwaves. Même pas des films, mais l'ambiance-là. Écoute, je me souviens. C'est ça qui est fou, hein? Les Weller. Peter Weller, oui. Un peu, là. Shockwaves, c'était les zombies nazis, Vicky. Fait que j'ai pas aimé le film aussi, là, non. Puis le sortait de l'épisode, là. Écoute. Ça, Sylvain dit qu'on veut dire Psycho, comment qu'on avait dit ça? Psycho. Psycho. Dis pas le P. Psycho. Allez, on reprend, c'est la voix de... Jack. Ah, il avait comme fait un corps. Ouais, c'est ça. Vicky, c'est toi qui va poser cette question. Quel film a-t-on préféré? Question à GF. Mais quel film qu'on a? Ouais. Oh. Ah. Des films d'horreur, on va le dire. Attends un peu, là, votre... je vais essayer de penser rapidement. Ton film de part... The Midnight Hour, yeah! C'est les films de 1985, à part Trick or Treat. Mais il est pas trouvable. Ouais. Tu sais, j'en ai un DVD, t'sais. Mais non, il y en a des tonnes, là. C'est une bonne réponse, c'est bon. C'est une bonne réponse. Moi, j'ai pas de retour. Mais je t'entends. Puis je m'entends. Je t'entends d'où? C'est correct. Steven, c'est une question qu'on a déjà eue. On va faire... Oh! Poser celle-là. Que tu n'aimes pas du tout. Thirst. Ça, de toute façon, c'est une question que je... Ouais. Ok. Donné, Jeff a répondu, t'as de Full Moon. Fait que... Moi, pas du tout. J'ai... Ouais. J'ai... Ouais. Je vais élaborer peut-être un peu plus. D'abord, l'an passé, des 31. Il y avait... vous deviez écouter des films. T'es pas là pour les défendre. Ben, Vic a pris n'importe quel film. J'ai comme... Et je voulais aller voir les films. Steven, qui m'a un film, il les a pas aimés, mais il les a vraiment pas aimé ce film-là. Cet épisode de salon, je tapais comme une fat live. J'étais incapable de... Ouais. Puis aussi, c'était ouais. Très dur à suivre. Comme, c'était un affaire comme... Fait que, faire refaire ces épisodes. Puis, on serait vite. C'est un épisode que j'ai beaucoup... Mais tu sens que vous aimez... Fait que vous avez tout oublié. Oui. Quoi, on ouais, est pas interminable, ça. J'étais... 4, 5, 6 heures. Oh, avec ouais. Marc, à cause de Marc-Antoine. On avait parlé de deux ans. C'est épouvantable. Ouais. Entre bizarre. Fallait être près l'autre en oh, long. Ouais. Et puis on a fait deux épisodes quasiment de 3 heures. On avait divisé en deux, c'était trop. Même séparé en deux, c'est trop. On était ouais. Crevés à la fin. Ah, ben, il y en a un qui a pas mal tourné, là. Dominique Paulus, d'horreur. Juste moi et Pierre, à l'époque. Mais on avait voulu y faire plaisir. Écouter Paul, le film de trop. Se rendre compte, Dom avait dit. C'était ça, le fait que là, t'as reçu un invité, t'es. Ouais, shooter un film, ça va être le fun. En acte du film que tu as fait. C'est plate. Mec, police, trauma, mais apparemment que non. Man Born, en tout cas. Pas du même cas. Marc-Antoine dit ben oui, c'est ça. Ça bottait vos épisodes. Ah, presque. Il reste. Oh, vas-y, Vicky, excuse. Non, c'est pas à propos. Non, mais je trouve que quand tu parlais des épisodes qu'on aime popper, mais celle-là que j'aime vraiment, la relation qu'on avait faite avec Dominique Paulus, Sylvain Desmantes, chacun de deux films, puis on a une grosse gang, puis c'est où celle-là? Mais moi, c'est des segments. On a eu, on en a pas eu souvent. Oui. Il y a eu du monde des autres podcasts, mais je parle vraiment notre avec, pardon, Alex Perron, Eli Craig, c'était ouais. Notre entrevue avec, c'était cool, parce que, tu sais, il se disait, ok, là, puis là, il y avait plein, ouais. Moi, je dois l'avoir 4 ans plus tard, 3 ans plus tard. Je vous crois que c'est mauvais, là, mais la conversation... Mais ouais, que... Il faut qu'on fasse plus souvent, parce que sérieusement, ça donne de quoi de le fun. Et ça, on va les mettre à l'aise. Bientôt, il faut qu'on reconnecte pour son épisode de film de Noël d'horreur. Fait que, Alex Perron. Ouais. Je vais vous poser la prochaine question. Fais changer ta critique d'un film, quel? C'est une critique qui était plus sûre avec ma... Ouais. Ouais. C'est... Sinon. Je connais pas cette époque-là. C'est que. Ces pièces sont tellement écœurées avec ça, là. Comment que c'est fait trame, on sait plus, là. C'était le cas numéro 27. On avait écouté okay. The Iron Man et Steven. Écoute, Hardware, moi, puis Pierre, là. C'était l'antique premier encore. Ouais. J'étais pas capable de. J'avais de la misère à défendre. J'avais pas. Je repense à cet épisode sur Tetsuo, là. Ça rapporte Tetsuo aujourd'hui. Fait que je déteste. Mais ouais, c'est un que j'ai. Tetsuo, ça représente pas. Mes souvenirs, cet épisode-là, là, comme So-So. Vraiment pas l'image que j'ai aujourd'hui. Ok. Il y a Marc-Antoine qui dit amour, haine, assez hard. Man, j'ai tellement fait de machine astique que c'est en même temps. Ah oh, oui, c'était très. C'est ça, quand tu pouvais décider qui décidait. Mais c'est ça, flamèche, mais toujours. Question. J'essaie de ne pas poigner deux fois la même personne. Je donne tout le temps à Vicky. Quatre fois qu'il me le donne. Finis par changer les trois. Vicky, voici la thème d'un épisode, c'est quoi? Ça, je veux t'entendre, toi, Sam. Ça serait quoi un thème d'épisode? Oh boy! Un thème! Ouais, d'épisode. Il arrête plus, il fait juste répéter. Hein. Oh. Ok, juste parce que la vie présentement, là, un thème qui ressemble à ça. Là. Il y a... À part Annabelle 1. parce qu'on a fait quand même, tu sais, The Guardian, je veux dire. Mais... thématique là. Enfin, à naître, que je sais pas trop quoi. C'est vrai, hein, t'as fait comme quand on avait. C'est les méchants. Un épisode que j'ai. Ouais. Je sais pas. Je sais vraiment. D'autres, vous avez une idée? Ouais, casse dans la tête, là, j'appellerais Asie. Puis je voudrais peut-être routine dans le sens qu'au lieu de deux, mais ce serait comme un film d'horreur coréen, un film d'horreur indonésien. Ça peut être intéressant parce que asiatique, je trouve. Il y a peut-être un épisode. un épisode espagnol. On a pas fait de nationalité, on a fait quoi? On a fait un épisode de. Fête de films français. Ah, ce serait pas pire ça, un moment donné. Dis Baby Blood. Ben là, non. Blague, c'est juste parce qu'on est étranger. Mais non, le pire, je pense. J'ai une idée. Le pire, on en parle beaucoup. Me donner une idée. Moi, j'aime les films de Bollywood, mais j'ai jamais écouté de films d'horreur. Indiens d'horreur. J'ai posé des films de 3h30. Non, mais ça serait pas. Oui, non, mais ça pourrait être. On avait des vampires étrangers. Alone at Night, puis Thirst. On est quand. Je nous congé, d'ailleurs. Des films d'horreur. Ben, on a fait un. Oh my god! Avec les meilleurs effets spéciaux au monde. Oh. C'est bon, ces questions-là, ils se font. La prochaine question. Âge ou sexe vite? ASB. Âge ou sexe vite? Non, je connais plus l'horreur. Faut le prouver. Steven, parce que. Non, mais je fais pas une. C'est juste, je veux dire. Là, c'est relatif, ça. Ouais, Steven, parce qu'on a tous nos genres préférés. D'abord, on va décortiquer la question. Ah, ouais. Ben, je pense que c'est quand même d'avoir une des époques de ces classiques, en gros, puis de ne pas avoir peur de tous les genres, les nouveautés. Autant les... Moi, les gens qui se disent qu'il n'y a plus de bons films d'horreur depuis. Les... Sais-tu combien de films d'horreur qui sont des. Je pourrais faire des tops, je veux dire, ça regorge. De... Pas de films qui datent d'avant. Oui. Au vieux, comme c'est je suis en 80, j'en regarde pas. Tout bad pour toi. Là. Mais non, je repense à ça. Il y a des films d'horreur. Fait que... Il est pas d'horreur gamer, ouais. Il est dans le chat. Il est que de même, là. C'est fait sur Facebook tantôt. Là. Il connaît ça. Dans le 7e livre. Quand est-ce la chèvre, là? Idris Elba qui est supposé ressembler. Ah ouais, c'est supposé être Clint Eastwood. C'est pas grave. Allez. Je vous pose une autre. Ok, oh. Ça. Le film. Le pire film d'horreur. Ouais. Quel de, film ben, d'horreur? Ben, on a vu, j'imagine. Ben oui. Oh my god, je veux dire, c'est quoi le meilleur film d'horreur de tout? Il y en a plein, mais si j'ai vraiment haï, puis c'est un des rares films, puis je fais jamais ça, là. J'ai écouté le film de Vicky Boy, là. Oui! Ça vous montre à quel point, mais de Wicker Tree, des années plus tard de... Non. Film musical horrifique, vraiment mauvais, mais d'un Mockerman, qui est vraiment un excellent film pour mourir. C'est vraiment un des films que j'ai vu des dernières années, ça. Je suis en train de me demander. Non, je le vois. Je suis comme plus capable de voir le... Le chat, rien. J'ai comme... Oui, je voyais ça avec le dernier remake de Carrie. Ah ouais, c'est ça. Remake. Ben tiens, encore de ses révisions. En effet. Mais ouais, c'est le pire film. Ouais, hein. Ça me fait repenser à Wicker Man. What? Ça, c'est parce que t'as pas vu. Ça y est. La prochaine question. C'est moi qui va vous la poser. Nomme un film que... Donc, un film... Ouh. C'était Vicky, elle a forcé à écouter. Vicky, impose-moi donc, imposerai. Des... Cabin? Oui. Puis les trois Sleepaway Camp. Ok, les trois. J'écoute les deux autres, ok. Oh, happy. Parce que c'était pour ça. Il n'a pas genre. Ouais. Oh. Ouais, mais je pense avec que c'est l'actrice originale. Je pense que c'est plus l'actrice originale. Je l'ai vu passer. Non, moi, les trois, mais il me semble que 2 et 3, c'est pas dans 4 l'actrice originale. C'est ouais, on s'entend que l'actrice originale, c'est un qui, 2 et 3 qui ressemble. C'est génial. Tellement. Mais 3, mais le 2, il est vraiment le fun. Pose les Sleepaway Camp, 2 et 3. Happy, happy camp. Prochaine, Steven, c'est toi qui vois, parce que t'auras pas le choix de me la poser. C'est ton jeu vidéo d'horreur préféré. Faut que tu poses cette question-là à quelqu'un. JF. Resident Evil 2. Je savais. Puis ben, ça a déjoué l'année passée. J'ai raté vers la fin. Là, mais je faisais des sauts, je jouais. Steven. J'ai dit Resident Evil 3. C'est le plus souvent en boucle. Puis, fait qu'il s'approche. Là. Star. Mésis. Question ou non? Hein? C'est Fatal Frame 2. C'est horreur. C'est une série chienne parce que c'est Resident Evil, mais t'as un seul arme. C'est... Donc, c'est des fantômes de toi. Mais. Tout chacun, leur façon, tu sais, il n'y a pas... C'est tous des fantômes différents. Le film est fait pour... Le jeu, tu sais, des fois, tu te promènes, puis là, pff, dans le couloir en face de toi, puis tu fais comme... réapparaître à côté de tout dans le travail. Parce qu'avec l'appareil photo, faut que tu prennes une... Quand il est dans le centre de l'appareil, proche de toi, plus tu vas lui faire fantôme t'approcher, mais là, t'es comme... OK! C'est vraiment chiant. J'ai vu Pierre jouer à ça sur Twitch. Ça se peut, j'ai jamais streamé ça. C'est fréquent aussi. Jamais joué, auquel j'ai jamais joué, mais c'est fréquent, puis... jeu de genre de je sais pas si c'est fun ou ce qui est genre tu filmes dans ton téléphone tu ouais. J'ai jamais essayé ça parce que ouais, surtout que t'es supposé jouer à 2h du matin dans le noir puis avec tes je ferais trop de sauts. Jeff, c'est toi qui vas poser et la question c'est rêve sur le podcast, il faut évidemment ça fait longtemps qu'elle a pas répondu. J'ai l'impression de répondre tout le temps rêve ouais. Son univers créatif famille, je dois être franche, je suis pas capable d'aller au cinéma. Saint-Martyr-des-Dents avec une fin un peu étrange. Final. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, la portion de Lovecraft, moi, c'est vraiment la jeune avec ma cousine, en tout cas. Le contexte de. C'était vraiment la bibitte. En tout cas, ouais. All the way. Deux anecdotes rapides. J'ai été voir une dernière. Une dernière minute parce qu'il y a eu dans le cinéma, c'était mes billets avec un tirage. Parce qu'évidemment, les billets qu'on faisait tirer. Puis ça, j'ai marqué les 20 dernières minutes et solide. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Oui, je sais pas. Non. On rush. Okay. C'est ça qui arrive. Puis, ouais. Vraiment, j'ai une autre anecdote. Vu à Radio Cannes, je l'avais enregistré le jeudi, ma région, la veille. Je savais pas. Et là, la journaliste culturelle de Robert Aubert, j'aimerais bien ça. Genre, puis là, elle fait comme ouais, mais il check ça, c'est le numéro de son agent, puis son courriel. Tu contactes. Contacté. Puis là, puis elle a fait Robert Aubert, la promo. C'est, j'ai fait comme. Non, mais Robert, c'est un peu un parce que c'est quelqu'un qui veut pas en faire. Il est à l'UQAM pour faire. Il s'est jamais présenté, puis j'avais enregistré sur mon ordi dans le aux étudiants au lieu de se présenter en disant vous m'adorez. Je vais pas comme me présenter. Je serais pas en l'air d'un cri. Fait mais... que je leur avais fait une lettre Festival du cinéma du monde à cher présenter Tuk Tuk. Il là. Après ça, il devait venir, il est pas venu. Puis là, 7 ans, il pourrait venir présenter les affamés à la capsule, mais je le créerais pas parce que ça fait comme. Avec lui que j'ai, si tu veux. Là. Ça fait comme 4 fois que je suis proche. Écoute, et à faire la demande, c'est que j'ai l'énergie, fait que j'ai comme fait. Hey, si, ouais. C'est vrai, ouais. Ça c'est vrai. T'es après l'affaire de l'UQAM, apparition publique ou presque pas, sur le cadre des affamés, il était obligé. J'y étais obligé. Est-ce qu'il viendrait ça que je me dis. Festival du cinéma du monde, on présentait ce film-là, a pas fait la tournée du monde, ouais. Qui était présenté. Puis, c'est qu'il y a un chalet en Estrie. Il était à son chalet, festival qui habite dans le Maine, voit tous les matins ou presque, c'est toute la patente, là, vivre dans son chalet, puis il a dit, moi, ça me tente pas de sortir. C'est pour ça que c'est difficile à obtenir. Écoute, c'est ça. Je pense qu'on a des. On en a quand même quelques-uns qu'on travaille un peu dans. Qui, c'est toi qui vas poser la prochaine question. Okay. Cette question-là, écoute, toi, ta copine est un amateur d'horreur, sinon, comment tu vis ça? PF, que je suis pas au courant, fait que je vais y aller. Le monde, elle aime autant que moi, puis comment je dirais? Ou élitiste, mais elle choisit des films qu'on va regarder au cinéma ensemble, un discours politique. T'sais, je me rappelle qu'on a activité ensemble, on a quand même des trucs comme ça, parce que moi j'en écoute beaucoup. J'ai réussi à y en faire voir comme ça, puis elle avait adoré. C'est tout. Mais elle regarde moins, puis c'est pas la grève, c'est ça, par les films qui ont social ou quelque chose à dire. Ouais, je voudrais bien des trucs comme ça. Ou A Girl Walks, c'est ouais. qu'elle aime, tu sais. The Bunnyman Massacre. Ah, mais tu sais. Tout mon temps, ben, on perdra pas ça. T'entends-tu? qui a décidé quand maintenant c'est des vrais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, non. Non, tout seul. Oh, c'est d'urgent, là. C'est important. C'est un peu compliqué. Il revient avec le bébé dans les bras. Je fais quoi avec ça? C'est con. Il reste deux questions. Ouais, fait que je pense qu'on va. Finalement, on va toutes les avoir faites. Écoute, il y en a qu'on a resté. Si vous êtes gamer, ouais. Avez-vous. Non, tu sais. Puis on a comme répondu ça en même temps. Là. Un film d'horreur qui te décrit bien. Ouais. Touché. On prend-tu toute une frime? Moi, je le sais, c'est lequel. Vas-y. Les filles qui nous écoutent vont vraiment. Attends, non, excusez, je répète ma phrase. Toutes vont faire. Oui! C'est magie noire. C'est bien. Ce film est magie noire. Ouais. Steven, tu. Écoute, si je vois, je sais pas pourquoi je dirais oh, je suis bizarre, mais parfois. Allez, les gars. J'arrive pas à trouver de réponse. J'arrive pas, actuellement, là, c'est vraiment pas parce que. Oh, là, mais. On dirait que. Non, je suis incapable. Parce que la réponse que je vais donner, c'est sûr que. Comme... Non, non, c'est pas ça. Puis, là, je me rends compte, là. J'ai la page d'horreur game épisode, là. Que je crois. Je suis pas capable de répondre même. Je sais, là, je peux. Tout venir en même temps. Ouais, puis on dirait que j'ai rien vu, là, tu sais. Je parle de film d'horreur, puis je fais comme. Mais là, il y a tout ce genre-là, t'as peu. C'est vrai, puis. Ben, moi, j'aurais dit quand même Jurassic. Ouais, ben, écoute, peut-être, ouais. Ouais, ben, considéré horreur familial. Mais. À cause du chapeau de docteur. C'est ça. Non, c'est bizarre, mais bref, j'aurais tendance à dire. Ah, j'aime. Ouais. On a bon. Jurassic Park, je suis en écoutant du Queen. Là! Ah, puis, ah, ben, j'ai déjà dit que une heure que je trouve les plus cool, ça. Non, ça me dit rien. Si tu veux me faire mourir dans un. Admettons, là, si je pogne un film puis je passe à la toilette. Genre juste dans. Mais bouffe-moi, man, c'est trop cool. Tu sais, admettons, là, les dents deux de Tyrannosaure se pitch en deux, là. Moi, je pense que je serais. Tu parles de Tyrannosaure. C'est trop malin. Ouais, c'est meilleur manager. Vélociraptor, ce que je fais comme. Oh, cool. Il me saute. Mais. C'est moi de chess avec ta grille. Vous m'avez déjoué, vous êtes. Voilà. Ça me fait un épisode sur Séance de minuit par rapport au truc-là. Puis je disais que j'étais tellement trop excité. Il m'a vraiment pris par le par un blackout. Puis j'aimais ça. Blackout par Jason. C'est comme nice. Je vous pose la dernière. On est déjà rendu là. Back, tu sais pas contre un an. Ah ouais, man. Je pense que tout le monde. Si tu écrivais au réel genre de film, apocalyptique, blablabla. En plus, mais je pense que je voulais me garder. T'essaierais pas de toute la série de zombies de. Je pense qu'on. Zombie post-apocalypse. J'aime beaucoup à cause, comme j'ai dit, l'origine de mon intérêt pour ça. Ouais. J'aimerais filmer dans un forum puis des trucs comme ça, puis Return of the Living Dead ou des un peu, c'est ça, un peu. J'aime ça. Là. Oui, c'est ouais, puis... je suis vraiment dans le post-apo de Road, mais avec des. Tu sais, cette idée de. Je suis en retard à Big Dead, ce zombie. Puis qu'est-ce qui est le plus ennemi entre le zombie et l'homme? Re-questionner aussi les poumons de post-apocalyptique. Qui a les forces? Qui est. Ça serait la. Steven? Je dirais que j'aimerais bien faire Asher Atmos, son ambiance du style de John Carpenter. Puis peut-être être plus peaufiné, tu sais, des prototypes. Puis qui sont. C'est ça. C'est un peu les clichés du slasher, mais en même temps. Moderne, là. Un peu comme Scream l'avait, y aller différemment. Là. Moi, j'ai quelque chose qui proche un peu de en tout cas, quelque chose avec un culte où si on se met à putre, c'est quelque chose que j'aime bien travailler. C'est un genre une secte, là, un genre de. J'aimerais bien char, là. Marc-Antoine nous pose une avec ça. Ça va finir en guerre. Préféré de 2007-2017. Get out, mais j'ai pas vu grand chose en 2008. Deux, parce que la fin m'a pas fait. J'ai vu Lights Out, bien aimé du début à la fin. Je sais pas là, quand on me demande le film de 2017. Je suis pas jamais, mais je voulais juste dire. Que j'ai l'année, pour le début de l'année, que moi, il m'a quand même questionné sur. Fait que, ouais, ces trois-là. Mais non, pas We Just. Projet Merde 2, le nouveau. Ah, excuse-moi, ouais, le dernier qui est. Tu sais, 2000 ans, tu peux pas commencer à nommer The Exorcist. A vu Living Dead de Savini, là, dernièrement. Non, le dernier projet Blair. Okay. Steven? Ben, pour moi, film de 2017, c'est deux choses. Je suis pas encore décidé sur mon film préféré. Le meilleur film d'horreur que j'ai vu, c'était Raw, cause de Darren, le film d'horreur que j'ai vu cette année. Je vais y aller avec de quoi qui perd le goût de dire Get Out. Avec It, moi. Il faut qu'ils retravaillent le scénario, puis les acteurs, puis tout ça. J'ai eu ce que j'ai voulu. C'est de là comblé. Ce serait hit. Mais il m'en manque tellement, je peux pas changer. Les amis. Puis on. Ça fait plaisir cette fois-ci, puis je dis plus qu'une fois cette tune-là. J'écoute encore énormément beaucoup dans le podcast. Et rapidement le titre, ok, c'est ça. Ici de Ghost. Et, on va se retrouver après pour la conclusion. see that you're lost without me. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars. Et c'est déjà la fin de cet 100e épisode. Je dis déjà la fin, mais honnêtement, ça fait quasiment 3 heures qu'on est live. Donc, je sais pas ce que ça donne comme durée d'épisode. Moi, je suis vraiment content. C'était... On vous parlait de... qu'on avait plein de choses prévues, puis tout ça. Puis honnêtement, on avait absolument rien de prévu. C'est Vicky qui nous est arrivé avec le concept du jeu de questions. Pis une chance qu'elle nous est arrivée avec ça, parce que honnêtement, je sais pas ce qu'on aurait fait. puis je pense que c'est la meilleure façon de se faire un 100e, de juste en reparler de tout ce qu'on a fait, puis de jaser. C'était ça un peu live, ouais, live avec nos fans qui sont là puis qui nous écoutent. Puis j'espère que même si vous étiez pas sur le live, vous avez beaucoup de plaisir à ressasser nos souvenirs avec nous autres. Puis j'espère que ça vous a donné le goût de réécouter des vieux épisodes, parce que sincèrement, je pense que c'est un peu ça qui est cool avec Horror Gamer puis les épisodes qu'on fait depuis le début. C'est qu'on parle tellement pas de nouveautés que c'est pas grave si tu écoutes notre épisode 38 5 ans après l'épisode 94. Tu sais. Ça changera rien, parce que on parle quand même d'un film qui va être dans les années 60. Tu sais. Tandis que oui, c'est sûr que si on faisait des épisodes sur l'actualité, ben vous diriez, ouais, ben c'est ça, un épisode sur... Je veux pas enlever rien à la séance de minuit, là, tu sais. Mais, c'est ça, nos épisodes, à un moment donné, le monde ne dira pas, ouais, on a assez entendu parler de ce film-là, ouais. Tu sais. Vous autres, vous devez sortir les épisodes alors que c'est chaud, tu sais. On essaie de varier aussi, t'sais. On n'est pas bloqué à faire des vieux films. C'est sûr qu'à la date, on n'a pas fait énormément, là. On est très actualité, mais on a fait 2-3 films, je pense, des années 80, là. Mais c'est ça, tu sais. Ouais, le spécial Scorsese, il y avait des vieux films. Ouais. Mais quand vous voulez parler de films actuels, il faut quand même que vous sautiez sur le moment. Il ne faut pas vous attendre à ça par DVD, parce que sinon, il va être trop tard. Puis les gens vont débarquer en se disant « Ouais, ça fait déjà 4 podcasts. » T'écoutes plus l'épisode, là, ça vaut plus la peine. Non, c'est ça. Okay, ça va, mais d'ailleurs, séance de minuit, Steven? Ben, c'est ça. On veut faire un épisode sur les affamés prochainement. Puis on a terminé notre marathon. Ouais. Fait que si vous avez pas eu la chance d'écouter le dernier épisode sur la nouveauté de Jigsaw avec Sylvain Demanti, on a eu beaucoup de plaisir. Fait que allez écouter ça. Des épisodes très décadents. JF, qu'est-ce qu'on a à surveiller pour le site? Surveiller notre site. horrorgamer.ca. On va avoir des textes qui vont apparaître sous peu. Et c'est ça, on a nos trois collaborateurs, comme je disais, les trois nouveaux, Maureen, Guillaume et Stéphane. Et en plus, si ça me donne le goût un peu de peut-être m'infiltrer dans eux autres de temps en temps. Fait que, c'est ça, on va peut-être en écrire nous autres aussi des fois des textes. Fait que, puis on vous rappelle l'offre. Tu sais, allez écrire à JF. Oui. C'est Jeff qui... By the way, c'est un peu Jeff. Écrivez à l'adresse de Horror Gamer, c'est moi qui vais répondre pour les prochaines semaines. Vu que Sébastien va prendre son congé, il va en parler dans 2 secondes, mais c'est ça. Je vais répondre à vos courriels, puis on va... si vous avez de quoi intéressant à proposer, vous écrivez comme Sébastien disait tout à l'heure, vous ne faites pas 4 fautes par phrase, là, ben ça va être... Vous devriez être accepté dans la gang. Hein? Vous pouvez nous écrire soit sur Messenger, sur la page Facebook, ou à horrorgamer, au commercial, gmail.com. Puis oui, tu l'as mentionné, le petit break. On a fait un peu des blagues là-dessus hors show, mais ben oui, on est le 12. On est 12 novembre présentement. Et la date d'accouchement pour ma blonde, c'est le 21. Et comme on enregistre aux deux semaines, ben, faites le calcul, 12 plus 14, ça fait 26. Fait que, logiquement, je devrais avoir un bébé d'ici deux semaines. Fait que je pense pas que d'ici deux semaines, je vais être capable de faire un épisode d'Horror Gamer. Jeff le sait, il l'a vécu dernièrement. Même avec toute la volonté du monde, c'est un peu... c'est un peu utopique. Les premiers mois sont rough. Les premiers mois sont rough. Je ne sais même pas ce que ça a l'air en plus, les premiers mois avec un deuxième enfant. C'est même pas le premier. Donc, c'est ça. Fait que la petite fille sort bientôt. On disait aussi tantôt que ma blonde était déjà en train de faire des fausses contractions. Fait que ça peut même arriver cette semaine. Donc, c'est un peu fou tout ça. Fait que c'est pour ça que évidemment, JF prend le contrôle de tout ce qui est les textes. Il y aura probablement des épisodes réguliers quand même entre vous. Je risque peut-être de me repointer à la face si on se fait un épisode avec Alex Perron ou en tout cas un petit segment avec Alex Perron. Ce sera peut-être mon occasion de faire un petit retour rapidos. Une chose est sûre, c'est que je resterai toujours à m'occuper de la page. Ça va être facile de m'en occuper pendant le congé. On se prépare encore un petit affrontement. On avait fait un affrontement des plus grands vilains de films d'horreur. On va essayer d'aller se trouver le héros le plus ultime de films d'horreur et on va aller se les faire affronter pour la fin du mois de novembre. Donc, ça va être encore très cool. Donc, vous surveillez la page web, pas la page web, la page Facebook. On va sûrement vous faire un post où on va vous demander vos héros de films d'horreur préférés. Et watch out, il y en a qui vont détester voir Ripley se battre contre, je sais pas moi, Ash, tu sais. Kikigon. Ouais, c'est ça. Ça risque d'être encore une fois très très intéressant. Puis d'habitude, justement, on voit les vilains se battre un contre l'autre, rarement les gentils. Donc là, ça va être encore plus. Ça va toucher notre fibre morale un peu. Là. Pourquoi ils se battent ensemble? Ben, ils se battent ensemble, c'est tout. c'est un Mortal Kombat. Sinon, shout out au Patreon, comme à l'habitude, Véronique, Marc-André Lavigne. Merci beaucoup à vous deux d'être toujours là pour les Patreons. Un shout-out à vous. Merci à toutes les autres Patreons, les patrons qui nous suivent. Évidemment, comme vous le savez, avec notre page Patreon, ça nous permet de faire vivre le site, de vous envoyer les prix par la poste. Évidemment, c'est le fun si j'ai pas besoin de payer 20$ de shipping quand on reçoit un paquet de laisser passer à envoyer. Aussi, ça nous permet de faire booster un peu nos publications Facebook parce que Facebook, dernièrement, pour faire une histoire courte, a changé sa façon de faire afficher les publications des pages. Si c'est pas vos amis ou des groupes que vous suivez, les pages que vous suivez vont apparaître sur votre feed Facebook juste si un ami l'a partagé ou si la page a décidé de publiciser une publication. C'est vraiment rendu plate, là. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a le groupe Horror Gamer, le groupe, parce que ça, c'est plus facile de le faire apparaître sur votre feed Facebook. La pertinence de ce groupe-là, c'est ça. C'est qu'on est capable d'un peu plus vous rejoindre. Ce qu'on n'est pas capable de faire avec la page tout le temps. J'essaie tout le temps de mettre un 3-4 piastres par publication importante. Mais c'est ça. Les Patreons nous permettent de faire en sorte que c'est pas un 3-4 piastres de ma poche. C'est toujours le fun. Je nous lance un défi d'ici le mois de décembre. Je pense qu'on peut y arriver parce que honnêtement, on a eu une croissance assez débile dernièrement. On est rendu à 912 membres sur la page Facebook. Au début de l'année, on était à peu près à 600. Avant le mois d'octobre, je me rappelle avoir vu une gag en disant hey, « on est à 666 ». Ça veut dire qu'on a fait quasiment 250 nouveaux membres sur la page Facebook en 2 mois et demi, 3 mois. Je pense qu'on peut se rendre à 1000 d'ici décembre. Il faut qu'on trouve un moyen. Ceux qui nous écoutent, partagez en grand nombre. Dites-le à vos amis. 1000 membres sur la page Facebook, c'est possible. Fait que, on donne une go. Ça serait un maudit beau cadeau de Noël pour tout le monde. Sinon, est-ce qu'on a autre chose à rajouter? J'oublie quelque chose? J'avais l'impression... On a des t-shirts! On a des t-shirts, oui, on le rappelle. On a des t-shirts. Jeff et moi sommes maintenant les heureux propriétaires d'un t-shirt. Je vais faire ça cette semaine. Dans le prochain épisode, je vais en avoir un. Ouais. Ouais, puis dès que je reçois le mien, je vous mets une photo sur la page Facebook. On va se mettre une section sur le site. Je vais essayer de nous mettre de quoi de clean éventuellement. Puis je vous ferai une belle publication officielle là, pour dire allez-y, voici nos t-shirts qu'on vend. Ils sont pas très chers, Jeff. Tu te rappelles-tu comment que ça donne avec le shipping? 21$ plus... ça m'a donné quasiment 30$ pour moi. Ouais, c'est ça. Pour un t-shirt ouais. Horror Gamer, mais écoute, c'est... C'est la qualité, là. C'est la qualité. C'est Horror Gamer. Mais non, honnêtement, c'est la qualité dans le sens que j'avais déjà, avec Fun Regarder Film, essayé de faire imprimer des t-shirts avec une autre compagnie. J'avais comme dit, garde un t-shirt, c'est un t-shirt, là. J'avais pris la plus cheap. J'en avais commandé deux, un pour moi puis un pour un collègue à job. Puis nos deux t-shirts, l'imprimé était tout croche. J'avais réécrit à la compagnie pour dire, mais là, nos imprimés sont tout croches. OK, c'est bon, on t'en renvoie deux autres. Et les deux autres, les imprimés étaient tout croches. Fait que là, ils m'ont remboursé puis j'ai comme fait, non, OK, c'est beau, là. On arrête d'utiliser le plus cheap, là. Je vais utiliser des compagnies que je connais. Fait que oui, c'est peut-être 5$ de plus que ce que vous allez voir ailleurs, mais... c'est supposé être très beau. J'attends de recevoir le mien vraiment pour être officiel, là, mais ouais. Je suis pas inquiet. C'est Redbubble, c'est une compagnie que j'ai vue souvent passer pour d'autres podcasts et je sais que c'est très très utilisé par les gens. Puis ils font une belle boutique. Donc des t-shirts, des tasses, des casquettes, name it. S'il y a de quoi qu'il n'y a pas, je pense qu'il y a même des serviettes de plage. Je les ai pas mis. Des caisses de téléphone, je pense. Des caisses de téléphone, de iPad, tout ça. Puis il y a plein d'autres choses que j'ai pas mis qui sont dans les choix. Fait que si vous dites, hey, ben là, moi j'aimerais ça, on regarde, puis je peux peut-être les ajouter dans les choix. Là. Fait que ça serait vraiment, vraiment très, très cool. Donc, allez faire un tour. Finalement, JF, c'est drôle parce que quand tu as commandé ton t-shirt, j'ai vu que ça nous donnait un petit peu de sous quand même. C'est juste la marge de profit, je l'ai mis là au plus minimum possible. Fait qu'on en reçoit quelques sous quand même. Donc, c'est le fun. Ça nous encourage. Mais c'est juste le but, c'est de porter fièrement un t-shirt de votre podcast d'horreur préféré. Et on s'entend que notre logo, ben, il look. Moi, il n'y a rien. Il n'y a personne dans mon entourage qui va comprendre ce que c'est. Non. C'est tout le monde qui parle anglais. Puis... Non, c'est ça. C'est hot. Puis là-dessus, les amis, sur le chat, merci beaucoup d'avoir été là. Gardez ça horreur. Mais je veux vous dire, Jeff, pour avoir été là pendant quasiment 70 épisodes. Je t'en promets, tu frôles le 70, toi. J'aurais aimé ça, trouver les vrais stats. Ça aurait été très, très cool là, si j'avais été à mon affaire. Mais je t'en promets, tu es proche du 70. Steven, si t'es pas du 70, tu es proche du 60. Vicky, tu dois frôler le 50 épisodes. Merci beaucoup d'avoir été là depuis, écoute, 4 ans, 5 ans. C'est fou, là. Ouais. C'est 2013 que j'ai commencé, je pense. Ouais, ça passe vite. Ça passe foutrement vite. Puis, on va se le dire, à part moi, JF, on s'est déjà vu. Ouais. Parce qu'on était à l'école ensemble. Puis, on se voit de temps en temps. JF, t'as vu Steven quelques fois. Ouais. Steven, on s'est rencontré une fois vraiment vite. Tu venais de faire ton premier épisode avec nous. Puis, on s'est rencontré au podcast All-Star. T'avais le syndrome de l'imposteur. Là. Tu te demandais qu'est-ce que tu faisais là. On était au podcast All-Star des Mystérieux Étonnants. Ouais. Puis Vicky, on t'a jamais vu. J'ai jamais vu personne. Non. Puis je pense que c'est ça qui est complètement fou avec ce podcast-là. C'est que on est tout du monde qui se voit pas dans la vie. Mais je pense qu'on est vraiment. Si vous checkez, si vous pouviez voir nos messages privés, tout ça. On est comme des amis de la vraie vie, on jase quasiment tous les jours. Ouais. Ben, j'en parlais avec ma blonde, puis on a déjà parlé entre nous autres, mais j'en parlais avec ma blonde encore au souper. J'ai dit, j'aime vraiment faire ça le dimanche soir. C'est l'équivalent d'aller prendre une bière avec des chums dans ben un bar. Ben oui. Sauf que je suis chez nous. S'il y a de quoi avec le bébé, je suis là. Ma blonde peut venir me chercher en sous-sol. Je suis là, je suis avec vous autres, mais j'ai du fun. C'est notre petit moment, nous autres, aux 2 semaines, où on peut jaser de films d'horreur à fond. Moi, je peux pas le faire dans la vie de tous les jours, à part avec une ou deux personnes. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais tu sais, je jase jamais autant d'horreur dans une semaine que j'en jase avec vous autres dans 2 heures un dimanche soir. Oh oui! Ouais, non, c'est clair. Ouais, fait que je pense que pour nous autres, c'est quand même un grand besoin, puis on est content de le faire, puis on garde le show jusqu'à un 200e. Si on fait le calcul rapidement, on fait 26 épisodes par année, peut-être 30 si on calcule les 31 jours d'horreur, fait que dans 3 ans et demi à peu près, on a un 200e. Ouais. On va avoir des grands-enfants à ce moment-là. On va avoir des grands-enfants, ils vont venir jaser. On va lui faire jaser de Ghostbusters puis de Gremlins, ça va être malade. Ben oui. Ah oui, les invités, ça va être malade. Fait que... Monster Squad. JF, je vais te dire un beau bye-bye. Oui, bye-bye. Vicky, je te dis un beau bye-bye. Bye. Steven, un beau bye-bye. Bye-bye. Tout le monde sur le chat qui nous écoute, un beau bye-bye. Et à toi qui nous écoute depuis... Si vous nous écoutez depuis le premier épisode, puis que vous êtes des fidèles depuis l'époque de Pierre, dites-nous-les, on veut vraiment le savoir. À vous, on vous dit un gros bye-bye spécial, et à tous, on va vous dire cette phrase qui a été d'ailleurs instaurée par Pierre. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais Pierre l'a toujours dit, fait qu'on continue à le dire. Ça, c'est comme le « Amen » à l'église. On ne sait pas pourquoi, mais on dit « Amen ». Alors, et à tous, gardez ça horreur. Bye. Yeah.